Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Sébastien F. Garté nous donnera son avis sur un sujet chaud avec son éditorial. Et Myriam Norty viendra nous présenter le plus récent numéro du journal Zone Campus. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 11 novembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante et dès le départ, j'accueille Sébastien F. Garté. Bon matin. Bonjour, ça va? Ben oui, toi. L'entrain est moins. Faut que je me mette dedans. Je quitte ton nom. Ouais, c'est ça. Donne-toi une chanson. Ouais. On fait du cri primal. Bonjour, je t'accueille dès maintenant parce que Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui, mais en fait, elle est pas en forme. Donc, on la salue et on lui souhaite un prompt rétablissement dans le courant de la journée pour qu'elle soit là demain matin. Fait que là, moi, je lui sers de bouche-trou, dans le fond. C'est à peu près ça. Je te sers de bouche-trou pour Steph. Toi et plus tard, Myriam Lortie, parce que parlons du plan d'aujourd'hui, Sébastien. Donc, tu vas faire ta chronique, bien sûr, dans quelques instants. Of course. Que ta chronique que moi j'appelle affectueusement le bulletin Garté, mais ta chronique éditoriale. Ensuite, à 8h, on va accueillir Myriam Lorty pour la chronique du Zone Campus. C'était 8h30, c'était chronique. Je marquais là, 8h30. Myriam Lorty. Autour de ça, on va aussi avoir une grosse pointe à l'adresse qui est la chronique où on déguste quelque chose que j'ai acheté dans un commerce quelconque. Si tu connais pas trop, je vais dans un dépanneur, une épicerie, puis je prends un produit qui est soit nouveau ou que j'ai jamais essayé, puis on le goûte, puis on en parle pendant beaucoup trop longtemps pour rien. T'sais. Ah ben. Surtout aujourd'hui. Fait que ça va être bien le fun. Et puis, si on a le temps, plein d'autres affaires, probablement de la musique, j'imagine, en quelque part là-dedans. Justement, commençons avec une chanson. Ça te dérangerait-tu, ça? Ben, pas en tout. Pas en tout. On va écouter du Lisa Leblanc. As-tu entendu dire qu'elle sortait un album en anglais? Oh. Lisa Leblanc? J'ai pas entendu dire ça. Est-ce que tu la connais un peu, au moins? Ben oui, je sais qui. Sa fille exact. Ben c'est ça, la fille qui parle de Kraft Dinner et de sa vie de tous les jours. Donc, elle a sorti un album qui s'appelle Highways, Heartaches and Time Well Wasted. On va l'entendre. En fait, la pièce titre, pourquoi pas, Highways, Heartaches and Time Well Wasted. Et juste après ça, c'est le bulletin Garté avec Sébastien Garté. Ça va être le fun. Ça va être la meilleure émission qu'on aura jamais fait. C'est chiant pour Steph, ça, par contre. Non, c'est ça. En fait, c'était ironique. C'est... Ouais, probablement ouais, plus. C'est un peu ironique. Un peu beaucoup ironique. Genre. Ah, pauvre Steph. Ouais. On écoute Lisa. Oh, c'est soft à date. C'est doux. Est-ce que tu sais siffler? Ouais, mais je le ferai pas dans le micro parce que à cette heure-là, ça va probablement ressembler à du graffignage de tableau. Bon, on la chante. Vas-y, Lisa. T'es capable. Thank you. aurait pu chanter. Dans sa chanson, ça aurait pu chanter. Il semble qu'elle n'a pas bien chanté. Lisa Leblanc. Et sa pièce Highways, Heartaches and Time Well Wasted à Assemblage Requis. On écoutera d'autres Lisa Leblanc à un moment donné. Ouh. Petite variante, hein? Eh ben. Il y a du banjo. Ouais, c'est ça. Du banjo. C'est pas du banjo du tout qui a introduit Sébastien Vigartin. C'est quelque chose de pas mal plus rock que ça. Donc voici son bulletin Gartin. Bonjour officiellement, Sébastien Vigartin. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, ça va extrêmement bien comme ça, avec toi en ma compagnie, pour l'instant. Oui. Au moins, tu dis pas prier avec toi, c'est possible? Non, non, pas du tout. Non, c'est un privilège de te recevoir une fois ou deux semaines pour ta chronique éditoriale, disons le campus. Il y a un nouveau numéro qui sort aujourd'hui, mardi le 11 novembre. De quoi est-ce qu'on parle dans cette chronique-là magnifique placée sur deux colonnes sur un fond bleu? Ce de quoi on parle, d'ailleurs, je souligne le fait que, premièrement, que ton polo est exactement de la même couleur que, l'infographie du Zone Campus. C'est vrai, on porte plus vraiment de polo de nos jours. Hein, je sais pas, André, j'ai ressorti le polo. Ça. Ouais, ça fait Apple, je trouve. Ça c'est fait vrai, Steve, hein? Ben, pas Steve Jobs. Il manque mon nom. C'est ça, tu sais, le gérant d'Apple Store. Bref. J'espère que c'est pas ça, l'heure bleue. Mais bref, discussion de couleur, tu sais, question de perdre du temps. Ouais, c'est ça, pour vraiment remplir, meubler, comme on c'est l'appelle, des choses pertinentes. Moi, ce matin, premièrement, puis d'ailleurs, ma chronique commence un peu sur cette idée-là aussi. C'est un beau gros paradoxe parce que ma chronique, mais mon éditorial, en fait, dans le Zone, mais est-ce que... Ah, le Zone, c'est ton petit nom friendly pour le Zone Campus, là. Le Zone Campus. OK. De quoi il est question dans le numéro qui sort ce matin. C'est quelque chose qui va être discuté à l'Assemblée générale annuelle de l'UQTR. De l'UQTR. De l'AGEQTR. J'en connais une couple qui vient de me la face. Oui, parce qu'il ne faut pas associer l'AGE. Non, faut pas. C'est pour ça qu'ils ont mis un espace dans AGEQTR. C'est ça. Puis ça, quand j'étais, petite parenthèse, quand j'étais officier sur le CX, ouais. François Landry, l'ancien attaché politique, m'a fait un gros speech. Puis en fait, faisait ce speech-là absolument tout le monde à qui faisait l'erreur de coller AGE et UQTR ensemble. Il disait, non, l'espace, il est voulu. C'est pour nous dissocier du fait que l'AGEQTR n'est pas l'UQTR. On est là pour les étudiants et non, on n'est pas comme un autre comité de l'administration. Oui. On représente les étudiants. Mais évidemment, on est dans l'AGE. Mais évidemment, cette différence-là n'est que dans la tête des gens de l'AGEQTR parce qu'en tant que tel, l'espace ou pas, les gens vont pas quand même penser que ça a rapport avec l'UQTR parce qu'il y a le mot UQTR dedans, l'appellation. Ouais, c'est ça. Mettons, c'est de les étudiants de l'UQTR. C'est ça. Fait qu'il soit l'AGE de l'UQTR. Mettons, avec le DE à l'apostrophe, peut-être. Ouais, là, ça commence à faire un acronyme bizarre. Un petit peu. Mais tu sais, il y en a tellement des AGE avec des noms bizarres. Là. À Lévis, on est allé pour un tournoi d'impro. C'était l'AGECAL, l'AGECAL. On le dit l'AGECAL comme ça. T'sais. C'est comme trop long, t'as comme trop de lettres. Voyons. À l'Université du Québec, à Chicoutimi. On se dirait c'est l'AGE-UQAC. Ouais. Mais non, c'est le MAGE-UQAC. Le MAGE-UQAC. MAGE-UQAC. Le Mouvement des Associations Générales Étudiantes de l'UQAC. Le macaque. Le MAGE-UQAC. Ouais, non, ça sonne comme le macaque. Le MAGE. Le MAGE. Je me suis dit, ça y est, c'est mon gars, aujourd'hui, t'as ton jeu de dragon dans la réunion de. C'est du World of Warcraft, ou non? Mais ouais, c'est ça. Eux autres, on serait un modèle différent. Mais bref, c'était pas pour parler de ça que j'étais là le matin. Je vais retourner un peu vers ce que je disais quand j'étais officier. Quand j'étais officier, comme tous les officiers qui sont à l'AGEQTR présentement, j'avais une bourse. Okay. Je dis que c'est drôle de parler de ça parce que ça va être discuté à l'AGE tantôt. Puis dans le fond, le numéro dans lequel mon éditorial est sort à 10h, puis l'AGE commence à 11h. C'est vrai ça, on le reçoit en matinée, un petit peu dans le coin de 10h. C'est ça, fait que c'est un peu drôle. Il n'y a pas grand monde qui vont lire avant l'âge. Malheureusement, non. Même si c'est là le moment pour lire ces articles-là qui vont peut-être vous aider dans la compréhension de ce qu'est une assemblée générale, mais bon. C'est ça. On aide le but, c'est un peu d'aider à la discussion. Là, ça n'aidera pas fort, c'est mais ça. Je me dis, c'est tout le temps une question qui va revenir. Puis c'est une question potentiellement émotive. C'est à l'ordre du jour, ceux qui ont les 3-4 qui ont lu l'ordre du jour de l'âge, il y a un point qui s'appelle bourse d'officier. On s'entend que c'est sûrement pas pour demander une baisse que les officiers ont mis un point à l'agenda. Un point à l'agenda. Moi, c'était ce sujet-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, potentiel point à Shitstorm, excusez-moi l'expression. Je me suis dit, puis surtout que là, il y a des grosses allégations de les finances vont pas nécessairement bien à l'OGE. Bon, là, c'est sûr que le CX nous dit que c'est pas vrai, n'en a pas de problème, tout va très bien. Oui. Mais, tu sais, il y a quand même, je veux dire, l'OGE n'est pas nécessairement dans la meilleure des places financièrement. Mm. Puis là, ils s'en vont demander une hausse. C'est encore des bourses, c'est pas des salaires. C'est ça, c'est toujours une bourse. Okay. Puis ça sera jamais un salaire, c'est pas des employés permanents. D'accord. C'est des. C'est de la. En fait, c'est le fun que tu dises ça parce que c'est un peu la distinction que je voulais en faire. C'est que c'est pas un salaire. À une certaine époque, on donnait une petite bourse aux officiers des peanuts. C'était de quoi comme genre 50$ par mois, une affaire de même. Là. Juste par principe pour dire qu'on te récompense de ton travail. C'est ça. Juste pour dire que c'est ça. T'sais, à la limite, c'était quasiment plus pour te redonner les dépenses que nécessairement tu vas encourir. Mettons le nombre de fois que tu vas être pogné à te prendre un sandwich à la chasse puis que tu n'aurais pas nécessairement eu le temps de te faire un lunch parce qu'il a fallu que tu viennes en vitesse parce qu'il y a de quoi, puis ainsi de suite. Le gaz que t'as nécessairement dépensé pour aller faire un paquet de commissions pour bâtir, c'était un peu ça. Mais en gros, fallait pas mal que tu payes pour être dans la GE parce que ça devait pas être rentable pour toi. C'est ça. Genre. C'est ça. Fallait que t'ailles une job à côté ou que tu sois à temps plein à l'école avec des prêts et bourses ou ainsi de suite. Tu peux pas vivre là-dessus. Là, il y en a qui vont me dire tu peux pas plus vivre avec la bourse présentement, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un salaire... Personnellement, je l'ai fait. C'est sûrement l'équivalent pas mal de salaire minimum à pas tant d'heures que ça personnellement. Ben, ça, c'est public, en fait. C'est 860 quelques par mois présent. OK, donc c'est un travail à temps partiel, pas l'équivalent de travail à temps partiel. C'est ça. Moi, je disais c'est à peu près l'équivalent d'un 20 heures au salaire minimum, là, ouais, là, 20 heures semaine. L'idée de ça, ça a été augmenté il y a quelques années par un bureau d'exécutifs que j'appelle les courageux. OK. Les couillards. Mais non, puis d'ailleurs, là-dedans, il y avait entre autres François Fecteau, qui est un sociologue big shot en devenir. Mm-hmm. Bonjour François, si tu nous écoutes. Ben oui. Ah, c'est l'animateur. C'est d'ailleurs lui qui m'avait expliqué ça, qui m'avait raconté ça quand j'étais moi-même exécutif puis qu'on avait eu recours à ses services. Mm-hmm. Justement de ses connaissances de sociaux. C'est ça. Ce que François m'avait raconté, c'est que avant qu'eux autres fassent cette grande hausse-là, tu sais, vraiment pour dire que oui, tu peux quand même vivre dessus. Ce qui se passait, c'est ça, c'est que les officiers se faisaient élire. Mm-hmm. Puis ils pouvaient pas juste se baser là-dessus. Fait qu'il y avait des cours à temps plein où ils travaillaient à temps partiel à côté. Il y avait des cours à temps partiel ou ainsi de suite. Fait qu'il était zéro disponible. Fait que là, ce que ça donnait, c'est que l'OGE, ben, il se passait rien. Okay. Puis même, c'était pas parce qu'il voulait pas, mais il avait pas le temps. Mm-hmm. Fait qu'eux autres, cette année-là, ils ont fait un move courageux. Ils ont décidé, qu'on s'en va en AG. Puis là, on leur a dit, là, on veut être capable de travailler, fait qu'on va, on vous demande de nous augmenter. Mmh. Fait que ça a passé, ça a fonctionné. On vous demande, ça c'était au CA de l'AGE. Ah, c'était pas au CA, non. Ça c'était en AG. Là. Les bourses d'officiers, c'est un gros morceau, ça. Même le CA n'a pas l'autorité de. Donc c'est vraiment tous les étudiants. J'imagine un pourcentage de gens qui sont venus. Eh oui, ça, j'imagine. C'est la triste réalité des assemblées générales, surtout les assemblées générales annuelles. Là, eux autres, je ne sais pas les détails, là, si ça s'est fait en AGA ou en assemblée générale spéciale, qui des fois vont attirer un peu plus. Ouais. Surtout quand ils ont des questions un peu plus punchées. Des enjeux qui offusquent un peu plus, disons. C'est les plus gros les moments où il y a le plus de monde qui se pointe dans les âges, c'est quand il y a des questions de grève, bien sûr. Ouais. Puis c'est parce que c'est souvent le monde qui veulent pas de grève qui se pointe. Ouais. Mais qui se pointe plus parce que normalement c'est généralement le monde qui se pointe pas non plus dans les autres affaires. Où ce que je veux en venir avec ça, c'est que c'est ça, la bourse présentement, ça sert pas à payer le monde. C'est pas un revenu comme tel, c'est pour leur permettre de travailler, tu sais, c'est pour leur permettre de s'impliquer autant qu'ils veulent. Leur donner une raison de s'impliquer. Justement, à ton expérience, à toi, personnellement, est-ce que c'était difficile avant qu'on augmente les bourses d'avoir des gens? Parce que là, présentement, il y a beaucoup de démissions. Il faut tout le temps aller en petite assemblée, j'imagine en conseil exécutif, pour essayer de nominer quelqu'un pour remplacer ces gens-là. Est-ce que c'était difficile d'avoir des gens pour le salaire de peanuts qu'il y avait avant, ou est-ce qu'il y avait plus de gens dans le GE ou qui voulaient s'impliquer à l'époque? De ce que j'en sais, moi, honnêtement, c'était même la belle-mère et colleux ses bancs d'école que je suis et n'était pas là à cette époque-là. Okay. Moi, je suis rentré, je pense, 2 ans après, une affaire comme ça. Il me semble, de mémoire, ça s'est fait en genre 2006-2007, une affaire comme ça. Mais ça a quand même, mettons, ça, dégradé l'application des gens à l'AGE, non? J'irais pas jusqu'à dire ça. Okay. Puis d'ailleurs, je fais un peu allusion à ça dans ma chronique. Par contre, moi, ce que j'ai l'impression, puis ça s'est peut-être constaté, puis là, je nommerai absolument personne, parce que je pense pas que c'est le cas des gens qui sont là présentement, anyway, mais ce qui s'est vu par le passé, il y a certaines années qu'il y a eu des exécutifs qu'on savait que c'était juste du monde qui était là pour la paye. Okay. Oh. Mm-hmm. Puis que ça paraissait. Okay. C'est quand j'ai commencé à m'impliquer, ça a paru. Il y a eu d'autres années aussi qu'ils savaient que c'était des gens qui étaient là pour s'impliquer. Est-ce qu'ils travaillaient quand même ou ils faisaient pas grand-chose? Mettons, ceux qui étaient là pour la paye, ils travaillaient quand même? Ben, la raison pour laquelle on dit que je peux me permettre de dire qu'ils étaient là pour la paye, c'est justement que ça paraissait dans leur travail, ouais, dans leur absence de travail ou d'implication. Là. Mais, c'est des officiers qui sont que tu vois jamais, que leur porte de bureau est tout le temps barrée, qui sont jamais là, c'est gamme. Est-ce que c'est difficile, parce que c'est des questions évidemment que j'ai aucune idée de ce que les réponses, fait qu'on jase, mais mettons, quelqu'un fait pas son travail, parce qu'on a vu beaucoup de démissions de gens qui sont partis de leur propre gré, mais est-ce que c'est facile de se débarrasser de quelqu'un qui fait pas son travail, mettons? Ouais. C'est beaucoup plus difficile, mais il y a des moyens quand même. Okay. C'est que ce qui arrive, de la façon que c'est intéressant en fait ce que tu me demandes. Je sais. De la façon que ça fonctionne, c'est que premièrement, l'AGEQTR, on a l'impression qu'ils foutent ce qu'ils veulent, surtout les officiers. On a l'impression. On a l'impression, mais en fait, c'est faux. C'est sûr que ça dépend du CA en fait. Mmh. C'est le CA qui est le chien de garde en quelque part. Ce qui arrive, c'est que premièrement, chaque officier, à la fin du mois, ils ont un rapport d'officier qui... Puis là, d'expérience, je vous le dis, c'est long à remplir en tabarouette. Tu détailles absolument tout ce que tu as fait dans le mois. Wow. Puis ça, tous les officiers se font pogner quand ils commencent de ne pas se prendre d'avance et de tout l'écrire one-shot à la fin du mois, puis que tu passes 3 jours à rien que faire ça. Ah ouais. Là, tu le remets en retard. Puis là, la DA n'est pas contente. Tu as vraiment des comptes à rendre, finalement. Tu as des comptes à rendre. Puis plus que ça, ce rapport-là, c'est pas juste pitching même, c'est pas juste le fait de le remettre. C'est que là, il y a un comité qui se réunit. Okay. Comment que ça s'appelle, donc? Je pense que c'est le CERO que ça s'appelle, c'est le comité d'évaluation. Ouais, c'est ça, comité d'évaluation des rapports d'officiers. Ah, oh, ouais. Là, ça, c'est y a des administrateurs, il y a même des étudiantes non impliquées otherwise, là, qui sont pas sur le CA, qui sont pas sur rien. Il y a bien sûr un officier, je pense que c'est le secrétaire général qui est là-dessus, là où la secrétaire générale. Lui a aussi quand même avoir des comptes à rendre, mais juste différemment. C'est ça, ouais. C'est ça. Ben, qui a aussi un rapport à remettre, puis j'imagine, moi, j'ai jamais été sur ce comité-là. Mais j'imagine que quand on arrive sur le rapport de cet officier-là, ben là, il ferme sa gueule, puis il sort vraiment de la pièce. Ouais. Puis là, dans le fond, ce rapport-là prépare des questions qui vont ensuite être posées en CA par la suite. OK. Fait que c'est pas rien que... Parce que là, ces rapports-là sont ensuite envoyés à tous les administrateurs. Les administrateurs doivent les lire avant le CA qui suit. Là, au CA qui suit, ils regardent, ils discutent, ils posent des questions. Puis s'il voit que dans le rapport qui ressort que tel officier... fait pas sa job, c'est trop pogné le beigne ou carrément écrit des trucs fallacieux, ben là, il peut avoir motion de blâme. Okay. Motion de blâme, là encore, ça a l'air d'un gros... une grosse tape sur la main. puis que ça finit là, mais si un officier a plus que deux motions de blâme à son actif dans le présent mandat, ben là, il y a un autre vote, puis c'est un vote de non-confiance. Fait que si ça passe, l'officier est botté out. Puis ça, on a eu cette année, ça a fait le coin de une du zone campus donc il y a quelques semaines de ça. Des motions de blâme, ouais. Oui, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que souvent, les motions de blâme, le problème, c'est que... Puis ça, c'est un problème un peu en même temps. Ce qui arrive souvent en CA, c'est que premièrement, bon, ça dépend, il faut qu'il y ait du monde assez réveillé pour se rendre compte qu'il y a blâme à donner. Mm-hmm. Puis deuxièmement, ce qui va arriver, c'est que ça a tendance à virer un petit peu en lavage de linge sale. Okay. Ces affaires-là, quand ça arrive, malheureusement, ça va pas tout le temps d'expérience, ça ne va pas toujours rester professionnel. Des fois que ça reste très correct. Il y a des fois aussi que ça finit par un tour de table de tout le monde dit ce qu'il y a sur le cœur par rapport à cet officier-là, puis ça revient souvent au même. Puis là, on se dit, après avoir catharsisé un peu, on se dit, ouais, ben OK, regarde, on va voter contre parce qu'on t'a assez rentré dedans, puis refais-le plus, tu sais. OK. À la limite, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais bon, c'est pas nécessairement l'esprit de la chose. Ouais. Mais disons que ça devient compréhensible et les CA durent jusqu'à 2-3 heures du matin des fois. Ben c'est ça. Quand tu sais qu'il y a des motions de blâme qui s'en viennent, tu t'attends à ce que le CA dure plus long. Ouais. C'est ça. Ça, c'est les CA, pas les assemblées générales, tout le monde. Ça, c'est les CA, ouais. Pas la même chose. Puis là, je fais passer le CA pour des trucs très, très, très longues et déplaisantes. Mais en fait, de ce qu'on m'en a dit cette année, les CA réussissent à finir avant minuit. Ah, quand même. Et même avant 11h parfois, ce qui est... Moi, dans mon temps, un CA, ça finit à 3h. Oh, ça a bien de la lune. Ça a commencé à 6h, ça finit à 3h du matin. Ouais. Fait que là-dessus, il y a eu une grosse amélioration, probablement, que c'est justement parce que, entre autres, les officiers, leurs points sont plus prêts, puis ainsi de suite. Puis, je suis pas en train de dire que ça, c'est une raison d'y payer plus. OK. Parce que c'est ça, ton opinion là-dessus, j'imagine que tu la donnes dans ton article. C'est ça. Ben oui, je la donne, puis je la donne pas en même temps. Je donne dans quelle mesure est-ce que je suis d'accord avec une hausse, puis dans quelle mesure que je le suis pas. Puis là, mon article, c'est un éditorial, donc c'est pas mon opinion, c'est l'opinion du journal. D'accord. Non, je me flatte de ça. Non, c'est ça, c'est que... Où ce que je veux en venir, c'est qu'une hausse, quand on dit... Puis d'ailleurs, moi, j'ai rencontré Mathieu Roy, le président, à ce sujet-là, parce que justement, je me suis dit, je ne vais pas commencer à parler de ça puis pas savoir de quoi qu'il est question, parce que c'est clair qu'ils ont de quoi proposer. Première des choses, puis là, je vais avoir l'air de défendre un peu le bonhomme, effectivement, parce que là-dessus, je considère qu'ils ont eu une bonne... ben c'est pas rien que lui, là, c'est le CX au complet. Ce qu'ils ont dit, c'est que premièrement, eux autres, ce qu'ils proposent, c'est que la hausse de bourse va être effective à partir de la fin de leur mandat, eux autres. Okay. C'est-à-dire ceux qui sont en place présentement ne toucheront pas cette hausse-là. Même s'ils comptent, ouais, le mandat, mettons qu'ils se reproposent pour l'année prochaine, oh, ouais, là, ça serait là. Là, ils vont le compter. Mais mettons, mais pour eux pas autres, qu'ils se battent pour leur propre salaire en ce moment, ça, pour se battre pour exactement. Les prochains. Okay. Ça, je suis déjà, bon, ça, c'est déjà c'est une bonne affaire, ouais. Un bon move d'acceptation sociale. Ouais. Ça va pas mal mieux passer au conseil, ne serait-ce qu'à cause de ça. Deuxièmement, quand je dis conseil, c'est l'expression, là, c'est à nager là, encore. Oui. L'autre chose, c'est ça ce qu'il dit, c'est que dans le fond, quand que la gang de courageux ont fait monter la bourse pour ce qu'elle soit ce qu'elle est présentement, c'était un montant statique. C'était un montant précis qui est écrit. Donc, c'est pas indexé. Il n'y a pas d'inflation. Là, ça commence déjà à faire un certain temps. Puis là, c'est ça qu'ils disent. Eux autres, c'est d'aller un peu rattraper le présent. La hausse du coût de la vie qui s'est faite depuis. Puis il dit c'est même pas de ce que lui propose. Il m'a donné des chiffres, je ne les ai pas notés. Okay. De ce que lui propose, de ma mémoire est bonne, c'est même pas d'aller rattraper le calcul le coût de la vie complètement, mais c'est d'aller chercher à peu près la moitié de ce qu'il, de ce qu'il considère qui serait l'équivalent de nos jours. Disons le strict minimum acceptable pour un employé pour pouvoir vivre correctement en 2014. C'est ça. L'idée, c'est de dire que là, dans le fond, ça commence à être un peu plus serré pour un officier de vivre sur sa bourse. Fait que c'est juste de ramener ça. Ouais. Donc, c'est ça. Dans cette optique-là, moi, je suis vraiment pas contre. Je me dis, là encore, ça dépend aussi de ce qu'eux autres vont être capables d'amener en âgé, de dire, ben on a fait le calcul, ça va coûter cette proposition-là passe, parce que c'est sûr qu'eux autres vont avec une proposition. Puis c'est nécessaire parce qu'il faut qu'ils aient calculé combien que ça va coûter à l'OGE, ouais. Si l'OGE a les moyens, ainsi de suite de ça. Fait que ça, je m'attends à ce qu'eux autres fassent ça. S'ils le font pas, je vous invite à tous voter contre. Mais s'ils le font, ben on va en discuter, pareil, là, mais tu sais, ça a déjà plus d'allure. Mais j'imagine que la question va être, entre autres, si on paye, parce que les étudiants vont devoir payer, j'imagine, plus à l'OGE, ou est-ce que ça va être une plus grande partie de l'argent de l'OGE qui va être redistribué? Dans le fond, il n'y aura pas d'augmentation de la cotisation étudiante. J'y ai posé la question, c'est qui? À ce que tu viens de dire là, je te dirais oui ou on. C'est excellent. C'est que il y a un autre point à l'ordre du jour, un autre beau shitstorm potentiel, qui est la hausse de la cotisation. Okay. Mais ça, ce que là encore, j'ai posé, je veux dire, dans une optique, c'est est-ce que vous faites vraiment une hausse de cotisation pour monter vos bourses d'officiers? Ou est-ce qu'il faut aussi là, mettre une inflation dans ça aussi, puis dans le fond, ça va ensemble, mais ça donne ça. Que c'est comme ça la même année. Puis là, Mathieu m'a dit que non. Que non. L'augmentation de la cotisation qui est proposée, en fait, c'est très peu substantiel. C'est une couple de piastres. Okay. Bon, une couple de piastres sur une quinzaine de piastres, là, mais quand même. Ce qu'il me disait, c'est qu'il y a une seule et unique raison de ça, c'est de c'est, en fait, c'est pour aider à financer la garderie. Ah, okay. Ça va être vraiment dédié à ça. C'est pour créer un fonds, parce que la garderie, en tout cas... Là, il m'a expliqué les détails, puis j'ai pas nécessairement noté tout ça. Là. Ça me touche moins un petit peu, étant pas... Ouais, n'ayant pas d'enfants à charge. Par contre, ça touche quand même beaucoup de monde, puis c'est ça. C'est que là, il voyait qu'il y avait des lacunes dans le service qui faisait qu'il donnait pas le service nécessairement que les gens s'attendaient, puis il dit, ben là, le moyen, c'est parce que là, ça prend un peu plus de financement. Fait que on se met ensemble et ben franchement, j'ai pas tant de problème avec le fait de payer une couple de plus de place, de pièces pour les places en halte. Et ça va bien. Pareil, je suis pas habitué de parler longtemps de même à la radio. Je pensais pas d'enfant à charge, mais tu t'es mis enceinte plein de femmes dans la rue puis tu parlerais pas. C'est ce que j'ai compris de j'ai pas d'enfant à charge. Non, les enfants pas à charge. J'ai pas d'enfant. Pas d'enfant, ok. Non. On clarifie le point dessus. Ou non. Donc, l'argent de ces cotisations-là irait à la garderie, mais par association, vu que ça a augmenté, ils vont peut-être pouvoir gruger un petit peu plus dans le budget. Ben, en fait, c'est que lui m'a assuré que non. C'est vraiment la hausse de cotisation va vraiment être. Fait que moi, j'ai hâte de voir ça va être quoi leur ils vont faire. D'après moi, ils vont faire un montage financier de ça va ressembler à quoi. Ouais. Mais j'imagine que les questions qu'on va poser, entre autres, c'est si on paie plus de cotisations. Mettons, si on donne plus d'argent aux officiers, je m'attends à avoir plus de travail de leur part. T'sais, mettons, il y en a qui vont peut-être dire ça, des fois on entend ça. Si je paye plus, j'ai besoin de plus de services. Mm. Mais dans le fond, le but de la chose, c'est que non, l'argent est là pour récompenser le travail qui est fait. C'est comme le contraire. C'est justement là-dedans que je veux pas qu'on embarque puis que je suis pas d'accord. Puis ça, d'ailleurs, Laurent Constantin. Chroniqueur ici jeudi matin, et ancien à mon poste aux zones campus. Avait fait une chronique avec laquelle j'étais aucunement d'accord, en fait. Tu contestais le Constantin. C'est ça, je conteste le Constantin. J'ai les altérations. Mais ouais. C'est ça, Laurent, ce qu'il défendait, lui, c'est que c'était justement une période où on excluant la personne qui parle. Certaines personnes contestaient beaucoup le travail de certains officiers, puis on considérait que c'était des gens qui étaient là pour se pogner le beigne, justement. Et ainsi de suite. On avait aussi de la. En tout cas, j'ai l'air de parler en général, mais je pense qu'il y avait. Si ma mémoire est bonne, ça en a mis personne. Je pense qu'il y avait vraiment un problème avec certains officiers en particulier. Okay. Puis aussi, il y avait beaucoup de vacances dans le CX. C'est-à-dire que tout le long de l'année, il y a eu au moins un poste vide à un moment ou à un autre. Souvent, ils sont longs à remplir, ces postes-là. C'est ça. Ouais. Fait que là, c'était tout. Ben, lui disait, on va les payer plus, ça va attirer plus de monde. Est-ce qu'il divisait le reste des salaires en fonction qu'il manquait des postes qui étaient vides, il redistribuait? Non, non. C'était réinjecté dans le fond d'un finance du logé. Okay. C'était juste pas dépensé. Mm. Non, parce que c'est ça, c'est pas une enveloppe, c'est vraiment, on te donne ça pour que tu puisses. C'est ça, c'est l'idée, c'est une bourse, ça marche. L'idée, c'est un peu comme n'importe quelle bourse de recherche au cycle supérieur. On te donne un chèque. Pour que tu travailles, travaille. En même temps, une bourse, ça n'engage pas à travailler, non? Une bourse, c'est pas genre. Ben, même chose, une bourse de recherche en enseignement supérieur, d'un cycle supérieur, si tu as des comptes à rendre à l'organisme qui te donne la bourse, tu as des rapports à remplir pour dire que oui, tu travailles sur tes affaires. Même, en fait, juste le fait d'être à maîtrise, du moment que ton sujet de mémoire est déposé, ce qui n'est pas mon cas, pour dire. Bonne chance. À chaque fin de session, t'as un rapport à remettre. Apparemment que c'est assez court à remplir, mais il faut quand même que tu le fasses au registreur pour dire « Je ne me suis pas pogné le beigne, je ne dépense pas des ressources de l'UQTR en vain. » c'est la même chose avec la bourse d'officier. En fait, ce que je disais, le rapport d'officier, c'est le même principe. C'est ça. T'sais, c'est juste de dire « On donne une bourse d'officier, les officiers, ils ont une job, ils ont des tâches au jour le jour. » Certains officiers plus que d'autres. Je pense, mettons, responsable des communications. Bonjour, Cathy. Salut, Cathy. Cathy Simon. Cathy Simon, mesdames et messieurs. Écoute-cela! Une de ses jobs, c'est d'accepter ou de refuser les affiches qui sont à être posées sur les babillards de l'OGE. Ben ça, c'est la petite job au jour le jour. Oui. Mais derrière ça, pour rester avec l'exemple de Cathy, elle a des projets aussi. Quand elle a été élue, c'était en fonction de certains projets qu'elle avait. En début de mandat, elle a déposé. Tous les officiers font ça. Ils déposent un plan d'action. Puis il faut qu'ils avancent leur plan d'action. T'sais, ils ont divers projets là-dedans qui, en quelque part, améliorent le GEO, qui répondent à un problème, ou ainsi de suite. Fait que c'est ça. Puis ils ont tout ça. Fait que c'est travail. T'as tes tâches au jour le jour et avance tes projets. Mmh. Si tes projets ont pas assez avancé, puis si tu t'es pogné le bec dans tes tâches au jour le jour, ben là, tu vas te le faire dire. Tu vas peut-être te faire blâmer, puis tu vas peut-être éventuellement te faire kicker out. Ouais. C'est long avant de se faire kicker out, mais ça peut être rapide. Le dernier exemple qu'on a eu, ça a été le regretté Ludovic Nadeau comme président. C'est vrai. Qui s'est mangé deux motions de blâme. Il a même pas assez proche de demander une assemblée générale parce que, dans le fond, quand le vote de non-confiance passe, l'officier il est quand même élu en AG. L'AG est plus forte que le CA. Mmh. Ça, l'émotion de l'homme, c'est en CA. Donc, l'officier peut quand même dire, ben, moi, je m'en vais, c'est un peu comme la Cour suprême ou quand on va dans la justice. Je m'en vais en appel. Ouais. C'est un peu ça. Mmh. Je dis, ben, moi, je suis pas d'accord avec. Je considère que le CA avait pas d'affaire à me dire ça. Fait que là, tu t'en vas en AG, puis là, c'est l'AG qui décide parce que l'AG est souveraine par rapport au CA. Ouais. Qui est lui-même souverain par rapport au CX. Et oui, ce n'est pas l'exécutif qui dirige tout. Non, ça ressemble à ça des fois, mais c'est pas... C'est l'impression qu'on en a. Mais c'est que c'est ça s'appelle l'exécutif, c'est le pouvoir exécutif. C'est eux autres qui sont là au jour le jour, quand les autres instances ne se réunissent pas. Mm. C'est ça le principe. Wow. Ça termine tout ça, je pense, cette histoire-là. Quand même un peu. Parce que, en fait, mon mot de la fin, si j'en ai un à donner, c'est « oui, une hausse peut-être ». On verra. Faut qu'ils nous prouvent que ça se tient. Que ça se tient. Ça a du sens. Puis c'est ça. Je veux juste pas qu'on tombe dans la logique de on va les payer plus pour qu'ils travaillent plus. C'est ça. Même ça marche la vie. Exactement. C'est du monde qui veut s'impliquer. La bourse pour leur permettre de s'impliquer, mais c'est pas pour les récompenser de leur implication. Ça, c'est plate. Mm-hmm. Mais tu t'impliques pas pour te faire récompenser. Tu t'impliques parce que tu veux t'impliquer. Il y a des récompenses, bien sûr. Il y a une grande satisfaction à faire ce job-là en quelque part aussi. C'est pour ça que tu veux le faire. Si tu le fais pour la paye, t'es pas à bonne place. Exact. Donc, on invite les gens à venir à l'Assemblée générale de la GQTR chercher les informations, mais c'est quand même assez simple, c'est à 11h tantôt. Est-ce que tu te rappelles, c'est où? D'après moi, ça doit être au 10-12. C'est au 10-12, Néré-Beauchemin, je l'ai enfin. Donc, il y a levée de cours, on vous le rappelle. Donc, comme à chaque année, depuis un bon moment, l'Assemblée générale annuelle, l'importante Assemblée générale annuelle chaque année, il y a une levée de cours. Donc, ça se passe à partir de 11h au 10-12, Néré-Beauchemin. Soyez-y. Puis après ça, ben, vous prenez quelque chose à manger. Tout bien, on vous parle de votre argent cette année, fait que c'est important. C'est ça, c'est votre argent. Donc, merci beaucoup, Sébastien Vigartin. Ben, ça fut un plaisir. On va te lire, comme toujours, dans Zone Campus, en page 5. Oui. Ouais. Dépêchez-vous avant l'âge. Oui, tout à fait. Il sort d'habitude. On le reçoit dans les fonds du catacombe du Pierre Boucher par là-bas. Je pointe vers la mauvaise place, mais à la radio, ça change rien. Donc, on va chercher ça. Ben, on le distribue, puis ça va être bien. Tu pointes pas de temps dans la mauvaise direction, en fait. C'est juste une couple de degrés trop à droite. C'est, à peine, parce que le pavillon continue un petit peu vers à droite, puis c'est au-delà de mon doigt, pas juste directement devant. Fait que pour ceux qui suivent mon doigt, c'est par là-bas, puis loin. Pour ceux étant moi. Ouais, ben, je dirais, c'est ça. C'est à peu près le seul fan de l'émission qui a droit à la version vidéo. En direct, comme on appelle la vraie vie. Dans certains. La vraie vie. Merci, Sébastien. Ben, ça me fait plaisir. Tu restes un peu? Ouais, un petit peu. Pas trop, mais. Un petit peu. Mettons jusqu'à temps que Myriam arrive, les questions de ne pas te laisser tout seul. Génial, t'es ben trop fin. On va entendre une pièce musicale du côté francophone, une nouvelle entrée. C'est la première fois qu'on l'entend à l'émission. Voici Machine Géante et l'effet Veuve Noire à son âge requis sur Sifu. Yeah! Une nouvelle entrée de machine géante. C'est l'effet veuve noire, assemblage requis. On prend une petite pause au retour. On va niaiser pendant une vingtaine de minutes jusqu'à l'arrivée de Myriam Lortie. C'est Collection Campus. Mais ça va être du bon niaisage, comme on aime le faire. C'est genre patiner, c'est un sport olympique. Ouais, c'est ça. Du niaisage, c'est un sport olympique. Ouais, ouais, vraiment. Non. Non. Non, peut-être un jour. Je vais gagner, c'est sûr. Médaille d'or! Fou de transformation. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Ah, Sébastien Bigatin a appris à siffler. Non. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, il parle en même temps. C'était une feinte. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mardi matin, 11 novembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui. Malheureusement, on prend rétablissement encore une fois. On va dire une couple de fois dans l'émission. Ah, sans problème. Si tu nous écoutes, Steph, sens-toi mieux, s'il te plaît. Puis retourne te coucher, écoute-nous pas. Ouais, c'est bon, bon point. Ouais. Pour vrai, c'est pas le moment. Dans quelques minutes, tantôt, en fait, on devrait parler à Myriam Lortie du journal Zone Campus. Tantôt, Sébastien, on lisait, on n'a pas du tout lu ta chronique, on a juste parlé de ta chronique, mais là, on va faire le tour du journal au complet. On va regarder ce qui se passe en actualité, en arrêt spectacle et en sport avec elle. Ah, c'est ça que vous faites? C'est ça, à chaque deux semaines. On a mis ça parler du journal qui va sortir en kiosque plus tard aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai envie de te faire entendre une autre pièce du palmarès. Cette fois-ci, du côté anglophone, c'est vraiment super bon. C'est le groupe Mally Grove Band que je te présente à Caméra 3. Oh! C'est mauve. C'est très mauve et rose. Caméra 3 de la vraie vie en passant nos yeux. Là. Ouais, c'est ça. Passer sur le micro 2. En fait, c'est sur le micro 2. Bref, l'album s'appelle Bones of Things. Écoutons Don't Wanna Say Goodbye par le Mally Grove Band à Assemblage Requis. Puis après ça, on va jaser puis on va avoir ben du fun. Don't wanna say goodbye. Don't wanna say goodbye. C'était Don't Wanna Say Goodbye par Mellie Grove Band, assemblage requis. Il fait tellement beau dehors, on est là, puis SoundCloud, ouais, SoundCloud, je joue tout ça. Ok. Ça défait le beat de la musique de matin. Ça a clashé. C'était matin de bébé, ça. T'imagines, là, un petit bébé qui se lève. Tellement. Tu parlais d'enfant tantôt. Qui fait ses premiers pas. Ouais, justement, c'est ça. Parce qu'on regardait dehors à travers nos merveilleuses stars ici. Parce que je voulais ouvrir une... Comment on appelle ça? C'est une latte. Une latte. Ça, pourquoi déjà une latte? On disait pas ça dans le passé. Je vais pas dire ça en nom. Non, mais l'autre affaire, l'autre sur la latte dans le temps, tu disais pas... C'est ça que je vais pas dire. C'était vulgaire, je savais pas. Mais c'est ça, c'est... Ouais, non, mais c'est vrai, c'est un gag vulgaire qu'on fait pas ça ici. Non, c'est jamais vulgaire. Ce qui nous amène, en fait, à quelque chose d'autre complètement. On va parler de nachos, Sébastien Gartin. De quoi? De nachos, Sébastien Gartin. C'est son foutu palmarès. Chance que l'intro dure 1 minute et quart, je suis en train de m'étouffer. Donc, c'est son foutu palmarès, la chronique. On a établi une liste sur un sujet précis, Sébastien. Et aujourd'hui, on va faire une liste sur des renseignements sur les nachos. Ça n'a aucun rapport, hein? Mais ça va être le fun. Ben, toujours. Ben, des nachos, hein, c'est le fun. Qui n'aime pas ça? C'était la journée nationale des nachos récemment. Donc, c'est une bonne raison pour établir cette liste-là sur ramensonfast.com. Les nachos, c'est pas une nouvelle collation. Je vais t'arrêter tout de suite. Vas-y. J'aimerais spécifier qu'on est rendu à avoir une journée nationale des nachos. Ah, si tu savais. Je fais une chronique au début de chaque mois. Je l'ai fait hier sur les fêtes qu'on peut célébrer dans le mois de novembre. Et c'est n'importe quoi. Il y en a beaucoup trop. Il y en a une par jour. Puis il y a aussi la liste des festivals du mois de novembre. Ça n'arrête jamais. Jamais. C'est magnifique. Mais le mois de novembre, c'est un mois déprimant. On a besoin de se remonter le moral. Donc, quoi de mieux pour ça que des nachos? Des raisons de boire, des raisons de manger. C'est ça. On a besoin. Et pour ceux qui voulaient savoir, là, mettons, vous l'avez manqué, là, sachez-le, mais c'était le 6 novembre dernier, la journée nationale des nachos. OK. Donc, les nachos, c'est pas une nouvelle collation. De nouvelles générations de chefs, évidemment, vont améliorer les nachos avec le temps. Il y a tout plein de nachos différents. Chaque chef réputé a sa recette de nachos préférée. Mais cette amuse-gueule, amuse-bouche, dure depuis très longtemps. En fait, ces chips datent de 1943. Les nachos. Le standard. Il y avait vraiment un nacho. Okay? Nacho, qui est un surnom commun pour le prénom espagnol Ignacio. Donc, on les appelle Nacho. L'héroïque Nacho, qui a été immortalisé par le plat. En fait, il a presque développé cette collation-là par accident. Il voulait créer un repas. Il était vraiment sous pression parce que j'imagine ses supérieurs. Il devait créer un plat avec ce qu'il pouvait trouver dans la cuisine et il a inventé les nachos. Mais il s'appelait Ignacio. Ça vient de là, donc on pourrait te demander à la chasse guerrière est-ce que je pourrais avoir un Ignacio extra livre, tu sais. C'est comme si le gars qui a inventé la poutine s'appelait... Robert, mettons. Poutine, on appelait ça une Bob. Ben, Poutine, c'est ce qui me surprend chaque fois que j'entends parler de ce dictateur célèbre, Poutine. En français, ça sonne comme un repas, alors qu'en anglais, c'est une putain. Mais on peut pas dire ça en français. Ouais, c'est parce qu'en français, on francise les noms. C'est bizarre. Parce que lui, il écrit Poutine, Vladimir Poutine, ouais, là, président de la Russie présentement. Pas dictateur, tu dirais, non, juste le président. Non, président. Président, okay, ouais, bon, il garde. Okay. Non, il est pas possible. Il se promène en chess, en cheval. Ouais, c'est ça. Il est hot. Non, c'est juste parce que il y a quand même des élections. C'est juste qu'il est le seul que l'autre se présente. Ouais. Ouais, OK, mettons. Là, mais je trouve l'accusation de dictateur, je trouve ça rough. Excuse-moi, je retire mes paroles. C'est un peu tôt le matin pour ça. Non, lui, il écrit P-U-T-I-N. C'est ça. En russe, c'est ça. Puis en anglais, eux autres, ils francisent pas les noms. C'est juste qu'il prononce en anglais. Poutine. Poutine. Poutine. Je sais pas comment qu'ils anglais. Je pense que c'est Putin? Vladimir Putin? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais Poutine, sérieux. Ouais. C'est saucisse merguez, sauce originale, juste Stratos, bien. J'ai pas déjeuné, moi, en plus. Ah, c'est... Tu me donnes faim, là. Je fais tout le temps des chroniques de bouffe le mardi parce qu'on a une chronique où on goûte de la bouffe plus tard dans l'émission. Fait que, dire que ça me donne envie de faire ces repas. Mais on parle de nachos en ce moment. Et les nachos qui ont été inventés directement sur la frontière. Pas la frontière du Canada, bien sûr. Mais l'origine des nachos qui ont été inventés par Monsieur Nacho alors qu'il travaillait comme un maître d'hôtel, maître d'hôtel en anglais, un maître d'hôtel d'un restaurant, donc ça doit être un maître de restaurant, je pourrais appeler ça en français, de Piedras Negras au Mexique. Juste avant la fermeture, un groupe de femmes est arrivé pour prendre une petite bouchée. C'était les femmes d'officiers qui étaient stationnées au fort Duncan du Texas et traversaient la frontière pour magasiner. Donc le cuisinier du restaurant était introuvable. Mais les femmes ne sont pas parties déçues parce que le maître D a combiné les trois premières choses qu'il a trouvées dans la cuisine, c'est-à-dire du fromage cheddar du Wisconsin en petits copeaux, en lamelles, des croustilles tortillas, bien sûr, et des jalapenos tranchés. Donc les femmes lui ont demandé comment sa création s'appelait. Il leur a dit « Nacho Especial », le spécial de Monsieur Ignacio, donc... Ignacio, je ne savais pas comment vous le prononcez. Et le nom est resté. Le nom est resté. Nacho Especiales. Les nachos sont devenus populaires aux États-Unis en 1949. Quand on a révélé cette nourriture-là, ça a commencé à se tartiner, s'éparpiller comme un coulis de salsa partout aux États-Unis. Donc en 1949, le plat a été mentionné en imprimé, en texte, dans un livre de cuisine qui donnait le crédit à son créateur d'origine. Donc en 1949. Les nachos, maintenant, sont dans le domaine public. Le créateur n'a jamais essayé d'avoir le brevet sur son plat. Donc, son fils a contacté un avocat, lui, en 1960, pour explorer les possibilités. Malheureusement, trop de temps avait passé. La recette était donc libre au public. Et maintenant, n'importe qui peut faire des nachos de plus ou moins bonne qualité. Avec des chips pas de nom, puis de la salsa pas de nom. Ça fait des chips c'est pas bon, de... pareil. C'est bon, mais il manque quelque chose. Il manque de petites épices. Ou, esclave des marques. Mais hein, esclave des marques, puis rajoute-moi du bacon, des saucisses, puis des jalapenos, puis plein d'affaires comme ça. Moi, le traditionnel nacho, je trouve ça bien, mais on dirait que ça manque de quelque chose. Je vais faire une petite pile, la gang à la chasse à côté vont m'aillir la face, là, mais celui du Nord-Ouest au poulet, je sais pas s'ils le font encore. Là, mais... Je pense que oui. Et pour un all-time favorite. C'est génial. C'est pas que c'est mauvais à la chasse garée, mais c'est vraiment très, très basic, le nacho. Mettons qu'ils sont pas réputés pour leur nacho. Ils ont pas de cuisine à la chasse, fait que c'est sûr que c'est plus dur de toute façon de faire de quoi de complexe. C'est au micro-ondes, je veux dire. Moi, les nachos, j'aime me les faire au fourneau, t'sais. Ben, c'est ça ramollit pas les mains. Ouais, et avec, évidemment, les étages de fromage dans tes chips. C'est pas juste du fromage dessus. En tout cas, on pourra en parler longtemps de nachos. On pourra en parler longtemps, j'ai faim. Même. C'est justement ce qu'on fait. Les nachos sont pas obligés d'être mauvais pour la santé. Si vous voulez manger un petit peu moins gras, mais que vous voulez pas abandonner vos bons nachos, vous n'avez qu'à faire quelques ajustements. Donc, pour une collation plus santé, essayez des tortillas cuites au four. Donc, des baked au lieu de fried, c'est bien ça. Oui. Du poulet, le poulet le moins gras possible. Un petit peu de fromage et beaucoup de légumes, ça va compenser. Ou tu mets carrément pas de viande, en fait. Oui, et pas de chips non plus, puis pas de salsa. Tu manges une assiette. Tu regardes une assiette. Tu regardes, c'est ça. Oui, tu jalouses et tu baves. C'est comme dans... Ils font ces jokes-là des fois. Tu vois des émissions pour enfants, là... La maman qui est au régime, puis tout ce qu'elle peut faire, c'est comme sniffer son plat, oui. Elle remet là. Puis après, ça fonctionne pour t'attendre des émissions pour enfants. Je suis un glaçon. Ouais, ça aussi. Sur bâton. Mais ça, c'est déjà moins un cliché, là, ouais. Parce que ça coupe l'appétit. Mais... Ah, ça, je sais pas, par contre. Ouais. Ben, boire de l'eau, ça coupe l'appétit, en fait. Ben ouais, il faudrait que je boive plus puis j'arrête le fast-food, hein? Mais bon, les plaisirs de la vie. Hein. D'ailleurs, parlant de plaisirs de la vie... dans ton polo bleu, toi, si non, c'est ça, mon polo bleu qui est super extra large en plus, fait que je le porte quand je me sens gros. C'est pas vrai du tout. Le bœuf, les haricots et d'autres petites choses comme ça sont considérés comme des versions modernes des nachos parce que la version authentique du plat, c'est simplement du fromage en copeaux, des croustilles tortillas et des jalapenos. Dans la recette originale, il faut mettre des jalapenos. Ce que je vois rarement dans une recette originale, c'est juste de la salsa avec... Ben, j'imagine qu'il y a des jalapenos dedans. Il y a des jalapenos dans la salsa. Là. Ils sont en petits cubes minuscules. Ça goûte moins. Et moi, j'ai pas vraiment goûté le piquant. Ça dépend tout le temps de la salsa que t'achètes. Ben, c'est exact. Si t'as fait toi-même, ben là, t'en mets. Si tu prends de la salsa genre Tostitos, n'attends-toi pas à ce que ce soit ultra piquant. Là. Sauf la piquante. Ouais, c'est ça, ça dépend. Si t'achètes de la mild, c'est sûr qu'elle goûtera pas fort. Je comprends pas les gens qui achètent de la mild. Commencez au moins par la moyenne avec les gros morceaux. Donc, le créateur, c'est ce qu'il voulait, mais les nachos avec d'autres additions sont considérées comme des dérivés ou des spin-offs de l'original. Les croustilles tortillas sont une invention américaine, en fait. C'est une invention américaine. Même si c'est connu et populaire dans les restaurants mexicains, les tortillas ont un passeport culinaire américain. L'usine, en fait, une usine de tortillas américaine a eu l'idée génial, pour se débarrasser de leurs déchets, finalement. Ils prenaient les chips, les croustilles qui étaient courbées et pas vendable. Il les faisait frire et les vendait pour 10 cents par sac. La compagnie a réussi à se débarrasser de son surplus et de faire de l'argent. Ils ont vu la popularité de ces retailles. En fond, c'est comme des retailles d'hostie, mais en triangle, finalement. Et pas mal meilleur. Genre, qui goûte quelque chose. C'est cool. Le fromage nacho, typiquement à nacho, est aussi une invention américaine. Sébastien Vigartin, incroyable. Oui. Donc, les nachos... c'est mon nom. Je sais pas pourquoi je t'appelle la main. Donc, les nachos devenaient populaires dans les restaurants du Texas, mais ça demandait un four pour faire fondre le fromage. Donc, un homme a essayé de trouver une solution plus pratique. Le fromage nacho, c'est du finalement du fromage liquide à la Cheese Whiz qu'on peut mettre sur les chips rapidement parce que c'est déjà du fromage fondu process. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, la recette, en fait, est un secret bien gardé. Moi, je vais vous le dire tout de suite. Quand vous l'achetez à l'épicerie, là... pas mal sûr que c'est pas mal juste du cheese whiz avec du piment de cayenne dedans. Ouais, ben c'est pas mal ça. Ça doit être pas mal similaire à ça. Moi, je trouve que la salsa, tu sais, on parlait de salsa Tostitos, en fait, j'ai mentionné le nom tantôt. Leur salsa con queso, là. Waouh, qu'elle me fait triper. Je trouve ça tellement bon. Puis ça, là, à un moment donné, avec ma blonde, on a pogné une chire de ça. Puis on. Francophone en tabarnak. Une chire, comme une chire, oui. On a eu une. On était un bout de temps qu'on en mangeait pas mal. Puis on s'est mis à acheter la no-name qui est comme un peu verdâtre. Okay. Elle est pas belle. Non. Mais en fait, c'est qu'elle est pas mal moins chère que la Tostitos. Okay. Elle goûte strictement la même chose. D'après moi, c'est qu'elle est moins chère parce qu'il y a juste moins de colorant. Ah, oh, c'est génial comme idée, ça. Parfait. Je note ça. Et toi, note, est-ce que tu la manges chaude? Toutes les nachos? Ah, c'est sûr. Toutes ces réponses. Ça dépend. Ça dépend des fois. Moi, depuis quelque temps. C'est Stéphanie qui m'en a parlé à la base de manger ça froid. C'est magnifique. Fait que juste sachez-le. Le FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, ne considère pas que le fromage de nachos est vraiment du fromage, en fait. Donc, ça forme un liquide. La concoction ne rencontre pas les règlements, donc le standard de la FDA pour être nommé vrai fromage. Donc, il n'y aura pas de mention vrai fromage là-dessus, mais ça va être marqué fait à partir de vrai fromage souvent. Donc, c'est la mention qu'ils n'ont pas le choix de mettre. Hein. C'est du. C'est un peu comme une boulette de Big Mac. T'sais. C'est pas techniquement de la viande, mais c'est de ça. La viande. c'est fait à partir de vrai bœuf. Les stades adorent ça, les nachos. L'invention du fromage liquide, qui n'avait pas à être réfrigéré, avait une plus longue durée de vie que le fromage régulier, évidemment, étant donné les agents de conservation, j'imagine. Donc, c'est facile à vendre dans des parcs de baseball, entre autres. La sauce est arrivée en 1976 dans les stades. Ça a été un succès immédiat. Les nachos ont commencé à se vendre plus que le popcorn, qui était l'ancien meilleur vendeur dans les stades. Maintenant, c'est le fromage et les nachos. J'aurais jamais pensé. Il y a ça dans les cinémas aussi. Moi, je me demande tout le temps dans les cinémas, mais qui the fuck va aller prendre des nachos au cinéma? Mais apparemment que ça a du succès. Je m'en vois souvent. Ouais. Ben, le peu que je vais au cinéma, il y a tout un couple de personnes dans la salle qui ont ça. C'est juste plus fatigant que du popcorn. Parce que tu sais, du popcorn, quand tu manges ça, tu sais, c'est pas comme... croustillant, genre. Fait que, tu sais, ça fait pas trop de bruit quand tu manges ça. Des croustillants. Nachos, par exemple. Pas des nachos, des Tostitos, ouais. Là. C'est parce que ça crunche quand tu manges ça. Puis le fromage tombe à terre, puis là, tu marches dedans, puis ah, non, ça crée déjà. Mais, tu sais, ne serait-ce que pendant le film, t'en as un auto qui mange ça, puis t'entends du croc, croc, tout le long du film, là. Détestable. C'est bon, là, je les comprends de faire ça. Vraiment. Fais ça quand tu te loues un film au club vidéo, puis t'écoutes chez vous à la place Saint-Simonac. Oh, mignonne. on conseille que les nachos, il y a une école dans le Kansas qui a le record pour la plus grosse assiette de nachos du monde. La gigantesque assiette qui pesait 4689 livres, avec 2200 de ces livres-là qui étaient du fromage nacho. Servir cette création de 80 pieds. Ensuite, a été vendu à la grande clientèle pour $1 chaque pour essayer de ramasser des fonds pour une œuvre de charité. Je tiens juste à souligner que c'est à peu près une fois et demie le poids de mon char. Ah, yoïe! Mais tellement plus délicieux que ton char, je vais pas t'insulter. Probablement. Pour insulter ton char. Je te mets au défi de prendre une mordée de mon char. En fait, fais-le pas. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Retiens-toi. La recette qui a été modifiée, ça peut inclure plusieurs formes. Entre autres, la lasagne aux nachos, que je connaissais pas, mais une lasagne croustillante encore plus, j'avoue que ça m'intéresse pas mal. Là, présentement, il y a juste toi qui le vois parce que t'es le seul qui me voit physiquement, mais j'ai des gros yeux ronds de « me wants ». « Me wants some ». Nachos au chocolat, ça je connaissais pas non plus. Et même de la bière au nacho épicé. Ça, je suis pas sûr que j'essaierais la bière au nacho épicé. Non, moi j'essaierais plutôt des nachos avec de la sauce à la bière par contre. Ah oui! Tu sais, genre, oui. Tu sais, ta salsa, quand tu as fait bouillir, tu mets de la bière dedans. Mais ça, au Gambrinus, ils devraient faire. Est-ce qu'ils font ça? Je sais pas, mais ils devraient faire ça. Il y a de la poutine à la bière, il devrait avoir des nachos à la bière, comment? Ouais, mais de la bière, ça se met. Tu sais, si je veux dire de la bière puis du gravy, ça se marie quand même assez bien. Tu sais, ouais. C'est quand même assez. Mais dans ta salsa, c'est naturel comme mais la salsa, ben, tu mets à place de mettre de la grosse bière noire forteuse, ouais. tu mets genre de la Corona ou de la bière de soif dedans. Non, mais c'est en quel concept. La point 5. Tu sais, quand tu fais des saucisses à la bière, tu mets de la bière allemande dedans, mais tu sais. tu fais de la salsa à la bière, tu mets de la Corona, de la bière mexicaine. Ou si t'as juste dedans. Attends, ouais, c'est ça. De la bonne bière mexicaine, comme on les aime. Les nachos ont deux fêtes, en fait. On a dit tantôt que c'était la journée nationale des nachos. Ben là, l'article a été écrit à minuit 16, le 6 novembre. Donc, est-ce que c'est le 5 ou le 6? Je ne sais pas, puis si je cherche, ça va prendre trop de temps. Mais quand même, Piedras Negras observe la journée des nachos, Day of the Nacho, le 21 octobre. Il y a même une plaque de bronze pour rendre hommage au créateur du plat. Donc, Piedras Negras. Ensuite, ceux qui aiment la sauce au fromage et ceux qui sont ambitieux peuvent la fabriquer eux-mêmes. Tout ce qu'il vous faut, c'est du lait, du beurre, de la farine et votre choix de fromage. Il y a aussi plusieurs recettes véganes ou végétaliennes en français sur Internet, évidemment, qui utilisent des légumes, du tofu et des haricots comme substitut. Donc, trouvez vos recettes de salsa, de fromage. En fait, c'est pas de la salsa. Bon point que j'amène moi-même. Félicitations, Mathieu Plante. Mais... on m'a demandé l'autre jour, on discutait de salsa et de salsa con queso, entre autres. Et là, on se demandait comment ça s'appelait salsa. Salsa, ça veut juste dire sauce. Hein? Ça veut dire mélange. Mélange. J'avais lu sauce sur Wikipédia, fait peut-être que c'est pas exact. Peut-être un peu des deux. C'est souvent utilisé pour de la sauce, mais c'est parce que ça, je tiens ça d'un ancien collègue en psycho qui faisait de la salsa, mais la danse. Oui, ben oui. Puis ce que ça voulait dire, c'est que c'était un mélange d'affaires, parce que la danse, la salsa, ça prend des éléments d'un paquet d'autres canon de la danse, mettons. OK. Ah ben, c'est vraiment intéressant, ça. Puis, con c'est comme un genre de freestyle de danse sociale, mettons. Puis, faut pas oublier non plus que con, ça veut dire avec, hein, puis que queso, ça veut probablement dire fromage. Hein. Il y a des chances. On est vraiment... Il y a des chances. C'est des liens. T'sais. Mais là, c'est mélangé parce que là, on a parlé de salsa. La bouffe. On a parlé de salsa, la danse. T'as l'alcassadeur. Ça, c'est-tu prêt après avoir mangé? Dans quel ordre tu prends ça? C'est ça, faut pas que tu te trompes, là! Faut pas que tu te trompes! Moi, je vote pour tu y vas faire, tu y vas safe, tu danses, après ça, tu prends tes nachos. Oui. Fait que là, comme ça, t'as pas de crampes. Non. Puis là, quand t'as des brûlements d'estomac à cause des nachos, là, tu prends des Alka-Seltzers. Dans le fond, c'est pas mal la seule solution à ça. T'as pas bien le choix. C'est de résoudre le problème, et c'est ce qui termine parfaitement son foutu palmarès. Génial, merci Sébastien Vigardin d'être passé pour ça. Yeah! On s'est renseigné sur des choses pas super utiles, mais on a eu du fun, c'est ça l'important. Puis là, on a faim. Puis on a faim pour le reste de l'avant-midi. Désolé à tous. On prend une pause au retour. On va voir la chronique Zone Campus, je vais faire rien avec Myriam Lortie, mais pour l'instant, vous écoutez Assemblage requis. Et en fait, pas juste pour l'instant, pour la prochaine heure, parce qu'on termine à 9h30. Très sérieux. Bon, je t'ai dit que j'attendais que Myriam arrive. Là. Faut pas te laisser tout seul non plus. On te retrouve toi aussi alors. Juste au retour. À tantôt. Fou de trouvailles. C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 11 novembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui. On la salue d'ici. Sébastien Vigartin est toujours avec moi. Ben oui. Oui. Parce qu'il ne faut pas laisser Mathieu Plante tout seul dans la vie. Ben merci. Non, c'est tellement. je l'apprécie, mais tellement. Tu veux pas un compliment. Ah, va donc. parce que sinon, l'émission va être. Non, mais c'est pas juste savoir comment tu parles vite d'un début d'émission. Cette personne à qui t'adresser, je sais pas ce que ça va donner. L'émission va durer une heure parce que je parle trop 15 minutes. Je sais confirmer, Myriam Lortie s'en vient, mais juste plus tard que prévu. Donc, à la place, c'est toi, si tu veux bien, qui va faire avec moi une grosse pointe à l'adresse. Si tu sais pas ce que c'est pas grave, je te le raconterai tantôt. Mais avant ça, une petite chanson, parce qu'on n'a pas entendu depuis un bout. On a fait une chronique tantôt parler sans cesse. Donc, on va aller entendre une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est À courir de la formation de Noël. En fait, c'est un retour pour Noël avec leur nouvel album Le Grand Mensonge. J'écoute ça à l'instant, puis on vient avec une grosse pointe à l'adresse juste après. Assemblage requis. Ça, c'est fou. 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. Oh my god, la voix sexy, toi. Le début était tellement approprié pour ça. T'as tellement l'air d'un narrateur de film porno, toi, quand tu parles de même. Ah, ça serait comme mon nom de porn. Zone Campus. Ou Zone Prépuce. C'est clair qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, qui a fait ce joke-là maintenant dans sa vie. Genre nous autres depuis comme 10 ans. Ouais, il y en a des pires que ça. Fait, ouais. Ils finissent pas tous par us. Il faudrait voir plus noir. Il faudrait voir la terre. Il faudrait voir la mer. L'autre bout du monde ne se trouve pas à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde ne se trouve pas à l'autre bout du C'était Noem et leur extrait À courir sur l'album Le Grand Mensonge. C'est tout nouveau dans les palmarès francophones. C'est cool. Moi, je suis curieux. Ils l'écrivent comment, Noem? N-O-E-M. OK. Ça enlève ce que tu allais dire, j'imagine. Non, ben c'est juste parce qu'en philosophie, des noèmes, c'est quelque chose, mais c'est pas des branches que moi je m'intéresse tant que ça. Là. Okay. Mais c'est une affaire par rapport à la c'est en. Check bien le plugage de grands mots, là je vais promouvoir les clichés, là, mais c'est en phénoménologie, je pense, qui parle beaucoup de ça. Puis du coup. Ça a rapport avec le fait de comprendre de quoi, là, mais je suis plutôt sûr c'est quoi. Eh ben, on va taper ses dos par mes profs s'ils m'écoutent. C'est ça. Mais c'est sûrement de là que ça vient, j'imagine. Donc, non, même. Ça va pas m'arrêter franco. Maintenant, Sébastien Evgartin, tu restes encore un petit peu avec nous parce que, Caroline, je pense que depuis que je t'ai parlé qu'on allait manger quelque chose, hein, ouais. Ça t'a donné envie ça de rester. Ça m'a vendu le. Donc, voici une grosse pointe en dresse. Hein? Est-ce que c'est clair? C'est quoi le nom de la chronique? Oui, c'est une grosse pointe d'adresse. Je suis juste curieux, étant un peu quand même un néophyte à ton émission, la toune, là, ouais. C'est-tu une toune que t'as pris ou c'est carrément un montage fait par... En fait, c'est un extrait coupé et monté d'une chanson de Gatineau. Il y a plusieurs autres collègues d'Assemblage Ricky qui ont des tounes de Gatineau. C'est un groupe de rap québécois vraiment cool. Je trouvais que ça sonnait limite comme... je leur annonce au bout de la langue, tu sais, hawaïenne, là. Les trois accords? Les trois accords, oui. Ça peut sonner comme ça. Ça ressemble à la limite quand même de leur niaiserie. Ça. Mais un jour, je l'ai déjà dit une fois à un moment donné qu'il faudrait que je le fasse, je vais continuer de le dire, mais il faudrait que je fasse jouer la chanson au complet parce qu'elle est tellement outrageusement vulgaire, mais outrageusement vulgaire, que ça pourrait vraiment titiller les oreilles de tous et chacun. Donc un jour, peut-être, évidemment c'est une chanson genre super vulgaire, mais c'est parlé avec un genre de filtre dessus. Fait que tu comprends absolument rien parce qu'il rappe super vite. Mais quand tu sais ce que ça dit dedans, puis tu trouves les paroles de cette chanson-là qui s'appelle pas mal une grosse pointe en dresse. Genre, quelque chose comme ça. Bref, c'est par Gatineau. Renseignez-vous ou attendez que je la fasse jouer. On va s'amuser avec ça un jour. Mais bon, donc c'est une grosse pointe en dresse où je vous présente premièrement une malbouffe de la semaine qu'on mange ensemble, toi et moi aujourd'hui, Sébastien Evgartin. Et autour de ça, un petit peu de nouvelles de malbouffe et de fast-food international. Il est temps que tu m'invites à dîner, en tout cas, parce que c'est pas notre première date, Mathieu. Ben non, c'est ça, c'est pas notre première date, mais les choses doivent se faire à un rythme lent avec moi. Je suis pas un gars qui est très rapide en affaires. D'accord. On n'ira pas manger un buffet à des continents. Tu voulais pas rendre Steph jaloux, j'imagine. Ben c'est ça. Désolé, Steph, si tu nous écoutes. Désolé, t'as manqué ta chance, Steph, mais Steph va être avec nous pour la chronique Master Steph. La prochaine fois qu'on se verra, qui pour nous en direct est demain. Donc, on va sortir le produit du sac magique. Non, c'est pas un sac magique, c'est déjà copyrighté. Donc, c'est vraiment super stupide parce que tu tombes sur une chronique où c'est pas super intéressant comme produit. En tout cas, j'espère que ça va l'être plus que ça en a l'air parce qu'on le voit un petit peu partout. Peut-être que c'est pas super original. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est Pepperidge Farms et leur douceur coquant. Vous avez peut-être vu les vraiment très mauvaises publicités à la télé depuis quelques temps. Et c'est au caramel crémeux. Ça a l'air intriguant. C'est des chips nachos, un peu comme on a parlé tantôt. C'est sûrement, probablement, pourquoi on a parlé de nachos tantôt. Peut-être que j'ai fait un lien avec ça. C'est cuit au four. C'est nouveau, nous dit-on sur le sac. 90 calories par portion. Là, évidemment, la portion, j'imagine que c'est deux chips, sûrement. C'est ce que je m'en allais dire. Donc, les douceurs croquantes de Pepperidge Farms, ça nous dit, il est 15h et inévitablement, vous vous dites, j'ai besoin d'une collation. Heureusement, vous avez fait des provisions et n'avez qu'à tendre la main pour attraper un sac de douceurs croquantes délicieusement légères de Pepperidge Farms. Quand vous ouvrez le sac et plongez dedans pour déguster ces bouchées parfaitement sucrées et croquantes, vous pouvez sentir le regard des autres sur vous. Mais rien ne vous oblige à partager. Savourer, mais nous, évidemment, on va partager. Ben oui. Puis là, peux-tu passer le sac de ça? Oui, vas-y. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur le sac en tant que tel, qui est horriblement laid. Très mauve et très, très faite d'une jeune fille de 10 ans. Je sais pas c'est quoi. Ça. C'est, dans le fond, là, ça, je trouve que ça fait pantalon de pyjama de jeune fille de 10 ans, en fait. Encore pire. Dans le fond, là, t'as comme une espèce de t'as comme au milieu, t'as comme une photo avec les chips qui est sur une espèce de plaque blanche, mettons, là, avec du flourish autour. Puis là, t'as le nom, puis tout ça qui est sur cette plaque-là. Puis tout le tour de ça, c'est une espèce de sac carré bizarre. Là. C'est comme une espèce de sac de chips sur le côté. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais. Puis, mais tu sais, le devin comme lisse. Puis, tout le tour de ça, c'est mauve avec des petits dessins de cupcakes, de rouleaux à pâte, de mélangeurs, genre qui sont toutes des espèces de couleurs qui donnent un peu mal au cœur. De suçon, je sais pas trop genre, quoi. Tu sais, ouais, couleurs de rapport. Ça fait bonbon de grand-mère. Parce que c'est au caramel en tant que tel. Je veux dire, pourquoi il y a des cupcakes dessus? Ben, c'est des bonbons. Eux autres, je pense qu'ils essaient de montrer que c'est comme des bonbons qui bougent. Là, je sais pas trop. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est spécial. Si je me rappelle bien, et là, je me suis pas préparé ça d'avance, donc je vais chercher en même temps qu'on se parle, mais j'ai pris, je crois, des photos des autres saveurs qu'il y avait de ça. Ouais, quelque part là-dedans. Mais je vous trouve ça d'ici tantôt. Pour l'instant, donc, on va juste continuer de parler de ça pour pouvoir l'ouvrir éventuellement, ce sac. Est-ce que je vais le trouver? Bon, en tout cas, je veux juste conclusion. Ouais. Là, bon, le gars qui a fait, le designer qui a fait la pochette, là, refaites vos devoirs, monsieur, s'il vous plaît. C'est vraiment pas si... Lui, il a pas son diplôme universitaire. C'est pas si vrai. On en parlait tantôt. C'est ça, j'ai trouvé les autres saveurs. Il y a douceur croquante au chocolat. Et j'ai vu aussi sucre à la cannelle. Il y a au moins ces deux-là. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est ça que j'ai vu. Aujourd'hui, c'est celle au caramel crémeux. Est-ce qu'il y avait d'autres informations? Oui, c'est cuit au four avec 8 grammes de grains entiers par portion de 20 grammes. Faite avec du vrai sucre et de la crème. Je m'attendais pas à ça dans des chips. C'est cool. Moi non plus. Aucun colorant ni saveur artificielle, encore une fois, dans des chips, tu t'attends pas à ça. Ouais, mais tu peux avoir des colorants naturels qui sont autant du colorant qui sont autant... mauvais pour toi, ouais. 90 calories dans 20 croquantes, une bouchée légère et sucrée. Je pense qu'on a fait le tour des informations pertinentes. C'est par Pepperidge Farm. Le sac est refermable, mais pas super lourd. Je pense pas faire une grosse fin de semaine avec un sac comme celui-là. Hein. C'est clairement un sac, un style sac de chips, c'est-à-dire que tu payes pour beaucoup d'air et un petit peu de chips. Pour empêcher que ça se défasse dans le transport. C'est marrant, tu dis combien que t'as payé ça? Ah, attends, j'avais le prix sur le truc de tantôt. Parce que ça a l'air du genre d'affaires qui a coûté cher, en fait. Je dis que c'est lettre. Non, il était en spécial, c'est 2 pour 5 $ en ce moment. Ben, à grosseur du sac. C'est pas un énorme sac. Combien qu'il y a de grammes, mes amis? C'est 150 grammes, okay, là-dedans. Tu sais, pour ce prix-là, de Lay's, qui sont quand même... Bon, qui se trash, là, ouais, mais oui, c'est quand même des bonnes chips. T'as à peu près le double, genre. Non, c'est sûr que c'est un je dirais un luxe, parce qu'en même temps, c'est supposé être un dessert. Et un dessert, j'imagine que t'en manges quelques-unes après ton souper, tu refermes le sac, tu continues le lendemain. Et c'est fait un peu, je dirais, à la façon Oreo. À l'avant, t'as le petit onglet que tu peux tirer pour l'ouvrir à la... le devant, tout le devant du sac et non pas le dessus, on dirait. Ton sac devient genre de petit présentoir. Genre, mais tu peux faire les deux, c'est marqué ouvrir ici en haut et t'as aussi l'onglet pour décoller. Bref. Fait que faut que tu décides avant de l'ouvrir si tu vas aimer ça puis tu vas passer à travers du sac ou si tu vas t'en garder pour demain pour retirer. Exact. Donc, Sébastien, la façon que ça fonctionne dans une grosse pointe en dresse pour goûter à ça, c'est qu'on a ce qu'on appelle un micro magique en studio, qui est le micro qui est juste là, devant toi. Je vais l'ouvrir. Le micro magique, et tu vas pouvoir, avec moi, en fait, ben, le faire toi-même, l'ouvrir. Et là, tu as le choix, en tant que cobaye de cette chronique-là, tu as le choix de l'ouvrir en haut ou sur le devant. Je vais te laisser la décision finale et tu vas nous faire ça dans le micro magique. C'est pas pire, hein? Moi vu qu'on dirait que ça m'inspire aucunement confiance comme affaire, je vais te laisser une chance de le refermer. OK. Parce que j'ai l'impression qu'on continuera pas de manger ça. Tu penses même si c'est le matin, on dirait que ça fait brunch ou... OK. Donc, micro magique, on t'écoute. Brunch au caramel, sérieusement? Ouais. Des chips au caramel, cette affaire-là. C'est pas du brunch. C'est pas parce que le micro aujourd'hui, Magic, a décidé d'être derrière toi, fait qu'on t'entend en écho. C'est... Ouais, attends, je vais le mettre. Ah ouais, pas te parler. On va setup un peu. Bon. Là, je suis à manger, tout croche. Ça mériterait que tu me prennes en photo et que tu mettes ça sur ta page. Ah, oh, c'est bon, ça, c'est bon. Attention. Attends, je prends la pause, là. Prends la pause. Ah, ça, c'est le fun des photos live en direct. OK. Et c'est fait. OK, parfait. J'en ai pris plein. Good. Donc, bon, c'est pratique, un iPhone 6. Ça, c'est rapide. Donc, il y a les Pepperidge Farm, douceur croquante au caramel. Donc là, je pogne la languette et... Oh, tabarouette! Je pense qu'il y a de quoi que j'ai pas compris. Ça a pas ouvert. Ça a juste enlevé le dessus. Ça a ouvert une couche de plastique, mais le dessous ne s'est pas ouvert. Mais quelle construction boboche de sac, toi. Tu parles d'une affaire. Ça se fait pas, ça. Je pense que je comprends. C'est qu'il faut que tu ouvres par en haut. Puis là, ça, c'est comme... Ce que je viens de décoller, c'est comme collant. Fait que là, ça t'en servait pour refermer après. Ah, t'es pas sérieuse. OK, c'est donc pas comme un emballage d'Oreo du tout. Non, je suis pas sérieuse, effectivement. T'es pas... Pourquoi j'ai dit sérieuse? Je dois être habitué à Steph. Ça doit être l'habitude. OK, donc on va l'ouvrir par le dessus. C'est Steph qui fait ça, d'habitude. C'est Steph qui fait ça, ouais. Ah, je remplace vraiment Steph. Vraiment, aujourd'hui, c'est ton rôle. Bon. Donc, par le dessus. Par le dessus. C'est ouvert. Miam, miam, miam. Est-ce que ça sent bon dès le départ? Ça sent pas le caramel, ça sent le mélange à gâteau. Pas le caramel qui serait un drôle de prénom. Je te laisse l'autre. Pas le caramel. C'est un nom de famille, techniquement. Ouais, techniquement. Ben, c'est clair que dans l'histoire, il y a quelqu'un qui s'est appelé Paul Trédignon Caramel. Gagnon, genre. Ouais. Mais moi, je fais juste le brasser. J'ai l'impression que ça sent les céréales pour enfants, genre Lucky Charms, tu trouves pas? Ouais, un peu aussi, c'est le vrai. Le chimique, probablement c'est le chimique de la chose. Mm. Ça sent les guimauves, plus. Très... Ça sent, oui, ça sent les peaux de guimauve. Tu sais, là... Du fluff. Du fluff blanc, ça sent un peu ça. Bon, il y en a vraiment, vraiment pas tant que ça. Il y a vraiment comme un fond de sac. C'est vraiment très, très décevant. Si tu regardes, le sac est à peu près, je dirais, 12 pouces de haut, là. OK. Puis t'as peut-être le tiers du sac. Max le tiers, dans ouais, le fond. Ouais. Entre le quart et le tiers, probablement. Mais bon, donc on les a sentis. On vous a dit ce que ça sent. On va goûter les deux en même temps. Donc prends-en comme tu le sens pour la première bouchée, une à la fois c'est, pour toi. C'est drôle, ça a la forme, là. C'est comme une petite curve, un peu ceux qui connaissent les crispers. Oui, exactement. Un peu comme ça, mais avec des ballons dedans. Ouais, ben c'est joli, pour vrai, c'est joli. C'est cute. On voit le... C'est féminin, je trouve. Ouais, on voit les petits quelque chose de... Les petits copeaux de sucre dessus. Ouais, ouais. Petite graine. Tu sais que ça va tâcher les doigts, mais... Mais dans le bon sens. Ouais. Bon, pas nécessairement. Non. Est-ce qu'on goûte? On goûte. Allons-y. Mmh! Mmh! OK, c'est un peu... C'est comme un... Ben, c'est très sucré au départ. Ouais. Puis après ça, ça goûte genre le... Le carton, presque un peu, non? Ouais. Ça a un goût de... Je dirais, ça a un goût de multigrain. Mais moi, j'aime pas tant le multigrain, fait que c'est sûr que ça me gage un petit peu, mais... Mais ça a un goût de multigrain vide. Tu sais, ça goûte... Tu sais, du multigrain, d'habitude, c'est dans quelque chose qui goûte de quoi? Ouais. Tu sais, dans du pain, quelque chose, c'est comme quand même un goût de pain. Tu sais, de la mie de pain, ça va quand même goûter de quoi? Fait que tu rajoutes du multigrain dedans, ça goûte la mie de pain plus le multigrain. Là, ça goûte vraiment juste le multigrain. Du genre que, au point de se demander si c'est pas juste comme que la chip goûte sweet fuck all. Puis qu'ils ont juste rajouté, en plus des saveurs artificielles de caramel pis tout, qui ont acheté une saveur artificielle de multigrain, genre pour comme donner l'impression que c'est santé ou je sais pas quoi. J'avoue, t'as raison. Ça me rappelle un peu, tu parlais que la forme ressemblait aux Crispers. Moi, je trouve que le goût ressemble à la version, tu sais, complètement sans saveur des originales de Sun Chips. La texture, un petit peu, les Sun Chips, celles qui sont pas aux fines herbes, et aussi, il y a une version originale, qui sont un petit peu plus multigrain, sont moins goûteuses. La texture... sur la langue, me rappelle un petit peu la rugosité, si tu peux me permettre, de ça. Mais non, c'est vraiment pas sucré. Ça dit douceur croquante en français, mais en anglais, c'est sweet crisp. C'est supposé être vraiment sucré, ça dit dans le nom. Je trouve pas que ça l'est. C'est que la petite poudre dessus, tu sais, comme la saveur de chip, mettons, là, mettons. Elle est sucrée. Mm-hmm. T'as goûté une fraction de seconde quand tu te le mets dans la bouche, puis après ça, tu mâches, puis ça goûte juste justement, comme multigrain vide. Là. Ça goûte le multigrain homéopathique. OK. Tu sais, de l'homéopathie, tu sais, c'est que tu délayes dans de l'eau des affaires, là. Mm-hmm. Tu sais, comme le disait Guy Jodoin, c'est de l'eau qui se rappelle avoir été autre chose. Ça, c'était dans, je sais pas si tu te rappelles, tu sais, quand il faisait, je pense que c'était le studio, là, avec Bruno Blanchette. Oui! Tu sais, là, qui faisait les... c'est ma jeunesse. Ouais, tu sais, là, quand il y avait leur espèce de soute bleue collante, là. Oui, c'était pas le nom de ça. Coucou, je pense. Oui, coucou et coucou, genre quelque chose comme ça, oui. Espèce d'émission pour enfants psychotiques. Mais là, en tout cas. Ils en ont refait dans toutes ces émissions, genre après Bruno Blanchet, ils ont refait ces sketchs-là avec Guy Jodoin. Mais en tout cas, ça part de loin, mon affaire. Vraiment, mais c'est le fun. Mais ouais, c'est ça, tu sais, c'est un peu le même feeling qu'on en a. Tu sais, c'est de la pâte qui se rappelle avoir été de la pâte à quelque chose. Moi, je trouve ça vraiment très, très décevant. J'avais de grands espoirs pour ça quand même. Même si je disais au début de la chronique que c'était pas un choix super original parce que vous n'avez probablement entendu parler partout. Mais fallait que quelqu'un y goûte pour vous. Nous sommes sacrifiés pour ça. Je ressens vraiment un sacrifice d'avoir goûté à ça. J'ai même pas envie d'une deuxième. T'sais, d'habitude, moi, je suis non, comme... Plus. Même si j'aime pas ça. Oink, oink, oink, mais sérieusement, pour de vrai, on parlait de nachos puis tout tantôt puis j'ai faim. Là. Oui. J'ai pas déjeuné à matin, mais j'ai juste bu un jus d'orange en arrivant ici puis c'est tout. J'ai rien encore. Puis j'ai même pas le goût de me remettre la main dans le sac pour en prendre. C'est tout dire, je te dirais. C'est inintéressant comme affaire. Moi, c'est l'impression que ça me donne... Tu sais, il y a une grosse mode de ça, de faire, tu sais, le monde qui veulent perdre du poids, puis qui essaie de manger mieux, puis tout. Puis là, il y a comme une série de, tu sais, mais qu'en même temps, tu t'ennuies de manger de la junk une fois de temps à autre, assis sur le divan, en écoutant la TV. J'ai l'impression, tu sais, puis il y a quand même une mode dernièrement, tu sais, d'essayer de faire du genre de junk propre, bonne pour la santé, entre guillemets. dans la même vague que les Crispy Mini et ces affaires-là. Au riz ou peu importe. J'ai l'impression que c'est vraiment une tentative de ça. C'est vraiment pour attirer les gens. Puis là, je m'alignais pour dire les madames. Là, mais ben, t'as pas tort. C'est mauve avec des cupcakes dessus. Logiquement, c'est quand même... Je pense que la clientèle cible est plus féminine que masculine, d'après moi. Là. Mais tu sais, c'est vraiment ça. C'est pour vous donner l'illusion que vous mangez de la junk, mais qui est bonne pour vous en même temps. Mm-hmm. Puis j'ai pas l'impression que ça l'est tant que ça. En fait, s'il y a de quoi, c'est du gros rien, en fait. Tout à fait. C'est aussi vide que le sac dans lequel ça vient. Mm. Donc, je sais pas, je suis déçu, mais peut-être que les autres saveurs sont meilleures, mais on dirait que quand t'en essayes une puis que tu l'aimes pas, t'as pas envie d'essayer les autres. Mais je rappelle qu'il y avait aussi chocolat et il y avait sucre. C'était sucre et à la cannelle. Mm. Les sacs sont orange pour la cannelle et bleu, mais avec les mêmes cupcakes qui ont gardé le même décor pour les trois. Fait que clairement, c'est un public féminin qu'on attire avec ça, typiquement féminin, disons, stéréotypiquement féminin. Donc, c'est les Sweet Crisps, douceur croquante de Pepperidge Farms, à savoir de caramel crémeux qu'on a goûté aujourd'hui. C'est pas super gagnant. Pour compléter, Sébastien, j'ai tout le temps des nouvelles de fast-food du moment. Partout dans le monde, je te rassemble ça comme un détective de la mauvaise bouffe. Il va y avoir, enfin, ça faisait longtemps que je demandais, quelqu'un m'a entendu en quelque part, est-ce que t'as des Reese's Peanut Butter Cups? Oui, c'est bon ça. Truc au beurre de peanut. Ça, c'est de la bonne junk. Ça, c'est la meilleure junk ever. Il va y avoir, enfin, une tartinade aux Reese's. Ça aussi, c'est une mode dernièrement. Ils font des tartinades d'un peu toutes. Ah, caramel, entre autres. T'sais, pendant un bout, ils sont mis à faire des petits gâteaux vachons de toutes les sortes de biscuits puis de barres de chocolat même puis d'affaires qu'il y a dans des comptoirs de dépanneurs. Ouais. Puis là, c'est ça. Là, c'est les tartinades à Star qu'ils font. Là, t'sais, ça a commencé avec la tartinade caramel. Ouais. Ça, c'était super bon. Il y a eu caramel. Il y a eu des boissons aussi alcoolisées à caramel il y a quelques temps. Il y en a encore d'ailleurs de ça. Ça, c'est bon. C'est super le fun. Mais donc, Reese's va sortir les Reese's Spreads avec plusieurs saveurs, dont celle-ci que je vois à l'écran sur assemblagerequis.com, qui est au beurre d'arachide et chocolat. Donc, c'est la version traditionnelle, mais il va sûrement en avoir d'autres. Donc, sûrement pour venir piler un petit peu sur le terrain de Nutella. Reese's en version tartinable depuis le 5 novembre aux États-Unis. Donc, c'est le lancement. C'est sûr que ça s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois au Canada et au Québec. On va surveiller ça. Ça n'a pas d'allure. J'ai tellement hâte. C'est comme une version américaine crade du très européen Nutella. Oui, vraiment. Là, mais j'imagine que le beurre d'arachide va arranger un petit peu la formule parce que moi, quand je me fais souvent la fin de semaine des tartines ou des toasts, je vais mettre Nutella d'un bord, beurre de pin de l'autre bord, puis squish-squish ensemble. C'est des relations. Tu peux être sûr de pas rentrer dans ton polo, mon jeune. Ben, Colin, la fin de semaine, c'est fait pour ça. Et le reste de la semaine pour l'instant, parce que je suis dans une période comme ça. Mais donc, manger du Reese's. Tranche de vie. Un bon coup. Ça va se vendre pour aux États-Unis $3.89 pour un pot de 13 onces. Ça va dans les épiceries, les dépanneurs. Et j'ai hâte de voir aussi quelles autres saveurs. Peut-être une saveur aux bananes, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu mets sur du beurre d'arachide et du Nutella? Probablement des bananes. Indeed. Sinon, d'autres. Ça dépend. Ça va-tu goûter plus le chocolat ou plus le beurre de peanut? Les Reese's, ça goûte plus le beurre de peanut en même temps. Mais... J'avoue, mais en même temps, c'est ça qui fait que c'est le fun. Ça a un goût typique, le Reese's. Si tu veux manger du chocolat, tu veux manger d'autres chocolats. C'est pas le chocolat, mettons, qui est le plus important dans un Reese's, je trouve. Moi, okay. Effectivement. Ben, sinon, c'est assez du beurre de peanut. Le chocolat, il sert à tenir le beurre de peanut. Mais c'est un beurre de peanut particulier. Particulier. Okay. Et on va faire rapidement, on n'a pas tant de temps que ça. Là. On va y aller avec du Mountain Dew, à savoir le Doritos. Ouais. Horrible. Pour mélanger deux saveurs que les amateurs de jeux vidéo de toute la nuit genre vont tout le temps manger ensemble des Doritos et du Mountain Dew. Donc, on les combine. On teste une nouvelle saveur à l'université Kent State University de l'Ohio. Donc, c'est les gens derrière Mountain Dew qui testent cette nouvelle saveur-là. En fait, c'est du Mountain Dew à saveur de Doritos et non pas des Doritos à saveur de la saveur de Mountain Dew parce que ça serait complètement stupide, hein, j'imagine. Donc, le test... Honnêtement, je trouverais ça moins stupide. Probablement. Mais, en tout cas, c'est peut-être rien que moi. On appelle ça Doritos. Donc, mélange entre doux hein, et Doritos. Je sais pas. Une personne l'a essayé et dit que ça goûte comme du fromage liquide. Je pense pas que ce soit un commentaire positif. Évidemment, tout ça vient étant donné le fait que Pepsi et Frito-Lay sont propriétés de la même compagnie. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce mélange-là. C'est une expérience pour l'instant. Je penserais pas que ça débloque vers grand-chose. Ça pourrait. Et on va arrêter là-dessus. En fait, pour une grosse pointe à l'adresse, on continuera avec d'autres nouvelles la prochaine fois parce que on n'a pas rien que ça à faire. Mais je te remercie de ta présence, Sébastien Gartin. Ce fut un plaisir. Moi, je vais à cette heure que notre ami Myriam est arrivé. Il y a quelqu'un d'autre pour te guetter. Fait que je vais faire un bout. Mais t'es vraiment fin d'avoir passé une heure et demie. Ça me fait plaisir. C'est vraiment plaisir. Cool. Fallait que je le fasse au moins une fois. Oui, au moins une fois dans ta carrière. Et on va te retrouver dans deux semaines pour une autre chronique. Éditorial. Okay, oui, puis là, je pense, je regarde ma boss, puis je me dis, est-ce que ça va être notre dernière? Je pense que oui. Hein? Deux semaines, c'est le dernier. On est rendu au numéro 6, il reste le 7 et le 8, donc okay. Il en reste deux. Pour la session. C'est ça, pour la session. Exactement. On revient à l'hiver, bien sûr. Bien sûr. Donc, merci encore. Et nous, on va prendre une petite pause. On va se retrouver avec Myriam Lortie dans quelques instants pour la chronique Zone Campus. Pour terminer cette émission du mardi, vous êtes à Assemblage Requis sur C'est fou. Restez là. Exotisme. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours Assemblage Requis en ce mardi matin du 11 novembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis à congé aujourd'hui. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et j'accueille Myriam Lortie qui va passer le reste de l'émission avec moi. Oui, tout à fait. Salut! Mathieu, on se retrouve rapidement. Hier soir, on animait la Ligue d'improvisation. Ligue universitaire. Hey boy, hein? Ça paraît pas que j'avais deux gens que je joue dedans. Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, la Luître. Oui. On animait ça ensemble. Pour la première fois. Fun. Ben oui, c'est stressant, ce job-là. C'est super le fun d'animer ensemble. On va sûrement le refaire éventuellement. Ben peut-être. Venez nous voir les lundis à 20h à la Chasse-Galerie. C'est gratuit. Et puis, on a mentionné hier, justement, en animation, qu'il y avait 100 personnes à peu près à chaque match. Fait que c'est plein, la Chasse-Galerie. Certains diraient du jamais vu en termes de personnes présentes à la Chasse-Galerie. Ben, Pour un match d'impro, oui, parce que je pense que les mardis karaoké, c'est quand même plein. Tout à fait, mais à l'impro, c'est du jamais vu. Et jeudi dernier, c'était plein, mais on va en parler en art et spectacle. C'est vrai, mais commençons par le commencement, parce que Myriam Lortie, la raison pour laquelle tu es parmi nous, c'est pour la chronique Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. C'est la chronique Zone Campus avec Myriam Lortie, rédactrice en chef. On va évidemment remarquer que le journal sort juste avant l'Assemblée générale, dont on va parler dans quelques instants. Donc, vous allez entendre en primeur ces nouvelles-là. Après ça, vous allez vous procurer le journal, aussi qui va sortir dans le coin de 10h. Et à 11h, vous allez vous présenter au 10-12 pour l'Assemblée générale. C'est un bon plan? En train, là, en passant, pour m'en venir, là, il était en train de placer toutes les chaises pour l'Assemblée générale parce qu'il va y avoir plein du monde. Ben hein? Oui! Et si vous n'êtes pas là, vous allez être parmi les losers qui ont manqué leur opportunité de voter à l'Assemblée générale. Tout à fait. Ouais. Hey, Mathieu, j'ai le goût de te parler de la Une. Ah oui, parlons-en. Les constats d'infraction sur le campus. Ouais. Ça, je suis vraiment contente de cette nouvelle-là parce que ça date de longtemps. On avait fait une demande à la ville de Trois-Rivières. Tu te rappelles, au début de l'année, on avait fait une espèce de dossier sur le stationnement. Les places de stationnement. Mmh. Puis on s'était demandé, tant qu'à ça, il y avait eu combien de constats d'infraction. Puis on s'est rendu compte que c'était quand même assez long à obtenir l'information. Fait qu'on a demandé l'information à la ville. Ça a pris la moitié de la session, on est rendu au-delà de la moitié. C'est ça. Fait qu'on a eu l'information. Finalement, c'est environ 200 000 $ qui sont remis en constat d'infraction sur le campus. Et c'est la ville de Trois-Rivières qui émet ces constats-là. Elle ne peut pas faire autre chose à part que s'il y a de l'alcool au volant. Là. Mais sinon, il n'y a pas de sécurité par la ville. C'est par l'UQTR. Okay. Mais la ville émet les constats d'infraction sur le stationnement. Et après ça, après avoir reçu ces informations-là, la journaliste est allée rencontrer le directeur de la sécurité publique de l'UQTR pour en parler avec lui. Puis c'est ce qu'on retrouve dans cet article-là. Je suis quand même contente parce que je trouve que ça représente ce que le Zone Campus peut faire, c'est-à-dire aller rechercher. Mais c'est ça, c'est vraiment une exclusivité. Oui, une exclusivité exclusive, Zone Campus. Tout à fait. Et ça, c'est en page 3 qu'on retrouve ça dans le journal. Si on passe à un autre sujet, c'est le nouveau conseiller à l'exécutif à l'AGE-UQTR, Frédéric Faillite-Borel. Ben oui, parlant d'AGE-UQTR avec l'Assemblée générale, on fait un petit retour avec le nouveau conseiller à l'exécutif. On se rappellera qu'il y avait François Landry avant qui occupait ce poste, qui était là depuis longtemps. Donc, on avait envie de découvrir qui était cette personne qui allait remplacer Monsieur Landry. Et c'est Frédéric Borel. Il est impliqué depuis quand même assez longtemps autour de l'AGE. Oui. Très gentil, d'ailleurs. Très sympathique, gaillard. Moi et Myriam Lortie, avons joué un peu les intrépides. C'est Myriam Lortie qui signe cet article sur la sollicitation illicite sur le campus de l'UQTR. Ben Mathieu, tu te rappelleras qu'on est allé manger à la cafétéria. D'habitude, en plus. Qu'est-ce qu'on a mangé? Mais c'est pas ça l'important. Partez au saumon en passant la réponse. C'est qu'on s'est fait solliciter Tu te rappelles, hein, Mathieu? Il y a une madame qui est venue s'asseoir avec nous pour nous vendre une assurance. Puis là, c'est ça. Elle nous demande nos informations. Puis là, si on appelle aujourd'hui, on a un retour d'argent. Puis ça. C'est quand même agressant quand t'es en train de manger justement ton pâté au saumon, Mathieu. C'est ça. Et c'est qu'elle dit, ça va prendre 2 minutes. Vous pouvez même continuer de manger. Mais non, mais t'es en train de me poser des questions. Je veux dire, clairement, ça va prendre un bon 15-20 minutes, là. Fait que. C'est ça. Ça pour dire qu'elle est partie. Puis là, Mathieu dit. Il me semble qu'ils ont pas le droit de faire ça sur le campus. Et là! Les intrépides se réveillent en nous. On fait notre petite enquête. On est allé voir le directeur de Sodexo, justement, parce que là, c'était dans la cafétéria, qui nous a dit que non, effectivement, il n'y avait pas le droit d'avoir de la sollicitation dans la cafétéria. Et après, on a appris qu'il n'y avait pas le droit non plus sur le campus en général. Donc, en vitesse, j'ai écrit une petite colonne comme ça pour avertir les étudiants parce que je ne savais pas, moi. Donc, juste peut-être avertir le personnel quand vous êtes témoin de ça, puis que ça vous dérange aussi si vous avez envie de vous acheter une assurance. Bon. Mais voilà. Hein? Ah, c'est vrai, t'as pas l'écouteur, tu peux pas entendre le fait que j'ai mis les intrépides derrière lui. Ouais, tu manques tout ça. Tu manques cet événement radiophonique, la chanson des intrépides. Je te voyais juste danser un petit peu, fait que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas. Donc, sollicitation illicite sur le campus, c'est à lire dans le zone campus en ce moment, en page 2. Tout à fait. T'as évidemment ton mot de la rédactrice aussi en page 2, faut dire, sur Le Petit Chien, c'est son titre. Oui, ben, c'est un peu en lien avec l'implication étudiante, parce que là, on sait que c'est la première assemblée générale aujourd'hui. C'est juste pour dire, dans le fond, que des fois, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui chialent beaucoup, mais qui s'impliquent pas nécessairement. Fait que tant qu'à japper comme un petit chien, mais impliquez-vous et soyez moteur de changement. Bien dit, bien dit. C'est le mot de la rédactrice. Ouais. Ensuite, 1500 visiteurs lors de la journée porte ouverte de l'UQTR. Oui, c'est ça, c'était samedi le 1er novembre, donc petit retour sur la journée porte ouverte. 1500 futurs étudiants qui sont venus voir l'UQTR, si ça leur tentait. Ben oui, pour en finir avec le massacre à la libérale, c'était la marche contre l'austérité dans les rues de Montréal. Oui, il y a eu environ 10 000 manifestants. Là, juste la date, je pense que c'était la journée de l'Halloween, c'était le 31 octobre, c'est ça? Ouais. À Montréal, il y avait une marche. On avait annoncé qu'il y allait avoir des étudiants de l'UQTR qui allaient s'y rendre, une marche contre l'austérité. Et c'est ça, c'est un petit retour sur cette marche-là. Il y a eu une vingtaine d'étudiants qui se sont déplacés, donc on en parle un peu. Super, il y a une citation de Frédéric Farid de Borel dont on parlait tout à l'heure. On continue toujours en actualité dans ce numéro du journal Zone Campus avec la collègue éditoriale de Sébastien Vigartin. On vient de lui en parler, mais c'était sur la valeur d'un officier de logis. Oui, ben c'est en lien avec l'Assemblée générale qui se déroule tantôt. Hein, on va-tu en avoir parlé? Là, vous n'avez pas de raison de ne pas y aller. Mais c'est parce qu'il y a un point à l'ordre du jour qui est la rémunération. La paye des officiers de l'AGE, qui risque d'être un point assez chaud. Mais c'est ces petits débats-là. C'est le fun, ben c'est pour une fois qu'il se passe quelque chose à l'AGE, non, c'est pas. Il se passe tout le temps quelque chose, il y a des démissions chaque semaine. conférence de Sophie Malavoie. Certains diraient, ouais, là, c'était Malavoie de faire des conférences. Non? Donc, c'est sur la vulgarisation scientifique. Ah, je pensais que c'était Malavoie. Ah, ça se peut que ce soit Malavoie. Mais je ne sais pas. Là, je veux pas m'avancer. Mais je sais pas c'est quoi une voix, c'est à la Malavoie. La vulgarisation scientifique, ben en fait, c'est ça, j'en ai reparlé avec la journaliste après qu'elle ait assisté à cette conférence-là. Puis elle me disait que à quel point ça aurait été important que tous les étudiants, ne serait-ce que de deuxième cycle, assistent à cette conférence-là sur la vulgarisation scientifique. Donc, à lire vraiment pour les étudiants qui font de la recherche surtout. Exact. Vincent Marissal, aux grandes entrevues du sujet de Trois-Rivières, mais où se dirige le journalisme? Oui, Vincent Marissal, qui est chroniqueur à la presse à Montréal, qui nous parle de l'avenir du journalisme. Dave, vous avez déjà été aussi assisté plus tôt dans la session à une conférence sur l'avenir du journal papier. On continue dans cette lignée-là avec l'avenir du journalisme. C'est super intéressant. À lire, là, pour ceux qui s'intéressent au journalisme, sûrement si vous lisez le journal. Ben, j'espère bien, c'est ça. Non, c'est très bon comme sujet. On a deux segments récurrents dans le journal Zone Campus en section actualité. Ça revient tout le temps. C'est la recherche à l'UQTR pour commencer avec le leadership féminin en Mauricie. Oui, mais quand on pense recherche, on pense souvent à des professeurs qui font de la recherche, des doctorants ou ceux qui sont à la maîtrise, mais c'est possible de commencer la recherche dès le baccalauréat et c'est ce que Noémie Allard-Gaudreau fait en ce moment. Elle est en train de terminer son baccalauréat et elle a déjà commencé sa recherche, là, elle entre à la maîtrise bientôt, mais c'est sur, dans le fond, les femmes de tête en Mauricie. Donc, très intéressant à lire. Sa directrice de recherche est Mireille Lalancette, qui est reconnue pour s'intéresser beaucoup à la femme. Cool. Ah, et en l'autre. Politique, surtout. Oui. Et l'autre segment, c'est anciens étudiants, que sont-ils devenus? On parle à Pierre-Olivier Lessard, la communication, son domaine de prédilection. Oui, ben c'est toujours un diplômé ou quelqu'un qui est passé à l'université. Et lui, c'est ça, c'est en communication. Il a parti sa boîte de communication. Donc, c'est intéressant de voir le cheminement d'un étudiant après sa diplomation parce que souvent, c'est pas toujours concret pendant qu'on fait nos études. Où est-ce que ça va nous amener? Donc, je trouve que c'est encourageant de lire ça. Tout à fait. Ensuite, on passe d'actualité à société. Bien sûr, il y a plein d'autres articles en actualité. Ne vous en faites pas avec ça. Mais en société, on a entre autres Kevin Gaudreau avec sa chronique « Entre les deux pôles ». Oui, toujours chronique de psychologie. Je pense qu'il est au doctorat en psychologie. Oui, il est au doctorat en psychologie. Je ne sais plus quelle année, s'il finit bientôt. Il nous parle de la motivation et des buts chez les humains. Donc, il nous dit « La motivation est continuellement présente en toile de fond derrière chaque comportement chez l'humain. Que vous décidiez tel choix de nourriture, que vous fréquentiez tel type de personne ou que vous occupiez tel genre d'emploi, il est possible de dire que ce sont toutes des situations où la personne a eu à faire des choix guidés par des motivations plus ou moins connues. » Donc, il y a beaucoup d'études qui se font sur la motivation. Okay. Motivation intrinsèque, extrinsèque, il faut que ça vienne de toi. En tout cas, fait que c'est super intéressant. Ouais. Alors, ensuite, Nicolas Gauthier, et tout est bizarre, un hymne à la folie. Oui, parlons de la folie, voulez-vous? Oui, je le veux. Je ne parle pas de handicap mental ni de quelconque déficience observable. Je parle de folie. Plus particulièrement, parlons de ces troubles nerveux, de ces tics manifestes et de ces habitudes propres à chaque être vivant causées par les phénomènes de cette hallucination congénitale qu'est, à mes yeux, l'activité irradiante continue de la conscience. En bref, nous sommes tous plus ou moins fous. Nommons cela un petit hymne à la folie. Nous sommes tous plus ou moins assez fous 89 ans. Ah oui! Bon, hein? Nouveau slogan. Normand Leclerc, ensuite, avec « Changer la vie », est-ce qu'on peut mettre fin à l'intimidation? Mais je le sais pas, mais 10 % des jeunes du Québec de la pré-maternelle à l'université subissent de l'intimidation. Certaines victimes s'étant suicidées, les médias, avides de sensationnalisme, pas dans les zones campus, hein, ben non, se sont emparés de ces affaires, popularisant ainsi le phénomène. Résultat, quand nous entendons parler d'intimidation, il s'agit surtout d'intimidation scolaire. D'où les questions. L'intimidation n'est-elle que scolaire? Est-il possible d'avoir des écoles sans violence dans une société violente? Bonne question. Par une question, le monde en question et la prochaine chronique par Fabrice Oloquet et Sheila Gaudreau. Oui, en fait, il commence avec une petite histoire. C'est l'histoire d'un gars qui avait faim. Et là, il y a comme une espèce de métaphore. Je peux pas vraiment le dire sans que ça vole le punch. Ah. Fait que je pense qu'il faut le lire. Mais c'est un gars qui avait faim et qui ne mangeait pas, qui se ramasse à l'hôpital. Et le médecin lui demande, mais pourquoi tu manges pas? Ben, il dit, j'ai pas besoin de manger. Et là, la suite à lire dans la chronique. Ah, voilà. Donc, à la recherche du sens perdu. Première partie, il va y avoir une suite à ça dans le prochain numéro. Et pour terminer, société, c'est Jean-François Veilleux et je me souviens au pouvoir citoyen sur la musique, un art supérieur. Oui, bien ça, j'ai envie de mentionner que Jean-François, il avait écrit une autre chronique pour cette semaine qui faisait une ode au sacre. En raison de la pièce Sauce brune qui était censée être présentée cette semaine, mais qui, je trouve ça important de le mentionner, va être reportée au printemps, oui, pour cause de maladie d'une des comédiennes. Donc, cette semaine, là, il a fouillé dans ses recherches qu'il fait lui-même parce que, comme il dit, peu d'entre vous savent que je termine, en plus de mon second baccalauréat en histoire, une maîtrise en philosophie sous la direction de Claude Thérien sur l'esthétique rock et la catharsis dans le concert métal comme expérience dionysiaque. Wow. Mais je m'intéresse fondamentalement à la puissance et au potentiel de la musique. Voici donc un aperçu de ce qui me fait vibrer. Ah, c'est vraiment très bien comme chronique, c'est cool ça. Donc Jean-François Veilleux. À lire, hein, Mathieu Plante. À lire et juste en dessous, comme par hasard total, et musique de bon goût, les palmarès c'est fou sont affichés juste en dessous de sa chronique pour une fois que ça a un sens. Oui, tout à fait. Il est tout le temps là presque, mais il y avait rarement de sens et là il y en a. Avant de continuer en art et spectacle et en sport, que dirais-tu de prendre une minuscule pause musicale? Ben oui, je vais boire une gorgée d'eau. Ouais. On s'en va entendre Rich Aquin, une nouvelle position du palmarès anglophone. Oui, voici Four More Years. On revient avec les arts et spectacles et le sport. C'est à l'Assemblage requis. Sur C'est fou. Still got four. Richard Quinn et Four More Years sur son album qui s'appelle Ephemeral. Vous vous rappelez peut-être de la pièce Want to Believe qui était sur le palmarès jusqu'à la semaine passée. On est avec Myriam Lortie, on continue la chronique Zone Campus. On était rendu aux arrêts spectacles. Critique de Groenland au soirée cachée, c'est fou, ça se passait jeudi dernier. Écoute, je fais juste lire le titre de la critique de Dave Duchemin. C'est Prestation messianique d'un groupe trop peu connu. Écoute, t'étais là, j'étais là, c'était une soirée magique. Magique. Vraiment, Groenland, je les connaissais pas du tout. Moi, je suis vraiment la parfaite cliente type des soirées cachées, c'est fou. Que je découvre des groupes et que j'aime tellement ça que j'achète un chandail et un CD. C'est vraiment le fun que t'aies fait ça. C'est. Je l'écoute, ça fait full bien du ménage. c'est ça, à lire, c'est une belle critique qui est faite. Ouais, ben je vais aussi écouter ce CD-là. Donc, Groenland avec plein d'images. C'est vraiment très. C'était une belle soirée, hein, Mathieu? Oui, très belle soirée. Si j'avais écouté la musique, ça aurait été cool. Donc, il y a les photos dans le journal. Et en plus, non seulement ça, mais le texte est rempli d'images, dans ta tête quand tu lis le texte. Oui, c'est très vrai. Imagé. C'est ça, mais ça rend grâce à ce moment de grâce. Vraiment. La bouquinerie, l'histoire sans fin, c'est l'ouverture qui a eu lieu le 30 octobre dernier. Oui, cet été, il y a une librairie qui s'appelait Au-delà des mots, qui est une librairie de livres usagés qui a fermé. Et j'avais entendu dire, et là ça s'est fait, que ces livres-là usagés, la plupart se retrouvaient à la petite brûlerie qui se trouve au centre-ville, là, derrière la cathédrale, proche du parc Champlain. C'est un petit café, ça. Petit café, fait que là on peut aller prendre un petit café en lisant un petit livre, c'est fun. C'est mignon. Et puis en plus, c'est comme devenu un espèce d'organisme qui veut promouvoir la culture et la lecture. C'est pas sur les grandes artères du centre-ville, c'est un petit peu plus reculé. C'est fait pour les gens qui veulent vraiment être là, donc c'est vraiment cool. Mais je peux aller encore, mais vraiment, je vais y aller. L'histoire sans fin, je sens que ça existe des places de même. Ouais. Le Théâtre des Nouveaux Compagnons qui présentait la pièce Boing Boing. Oui, mais je l'ai juste mentionné parce qu'ils jouent encore cette semaine, fait que vous avez la chance de pouvoir aller les voir jusqu'à samedi soir. Parfait, jusqu'au 15 novembre, exact. À la salle Anaïs Allard Rousseau. D'habitude, je sais pas c'est quoi le prix, là, mais d'habitude, c'est autour de 20 $. C'est pire pour une pièce de théâtre. J'aimerais y aller cette semaine. Ouais. On va faire les chroniques en commençant en arrêt spectacle. Pardon. Les chroniques en arrêt spectacle en commençant par Félix-Antoine Désiré-Rousseau. Et dans les lunettes du frisé, c'est Lieu de mémoire qui nous parle d'une conférence qui a eu lieu. Oui, une conférence qui est allée voir au manoir Boucher de Niverville avec le personnificateur. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, Jean-Philippe Marcotte. Non, mais ça, c'est un imitateur. Personnare. Dans le fond, il reprend. C'est drôle parce que j'ai déjà fait une entrevue avec lui dans un autre journal de peu d'importance. Mais il prend l'histoire, il se l'approprie puis il la raconte au jeu. Donc ça nous parle beaucoup plus. Comme si c'était lui. Ben, il nous racontait dans cette conférence-là l'histoire de son grand-père. Monsieur Boucher, Pierre Boucher. Donc, c'est intéressant. Ben oui. Et là, Félix-Antoine est allé et sa chronique commence comme suit. Retracer ses origines, retracer sa mémoire, la voie du présent, il me semble, une tendance du moment. Mais pourquoi et surtout comment? Ce qui est intéressant, c'est que Félix-Antoine est à la maîtrise en littérature et il travaille sur les contes. Ah. Et c'était comme un... c'est ça. Donc, c'est prédestiné pour lui découvrir ça. Génial. Dans Mange l'IM, la chronique de Camille Durand-Plourde, c'est la vie littéraire selon Mathieu Arsenault. Oui, Mathieu Arsenault est méconnu du grand public. Il ne sera jamais un invité de Tout le monde en parle, ni un professeur d'université réputé. Et ses œuvres, albums de finissant et vues d'ici, n'ont jamais été étiquetés coup de cœur renombrés. Il est pourtant un chaînon essentiel dans le monde littéraire québécois et l'un de ceux qui apporte du carburant à une institution qui est en train de mourir. Ah. Toujours intéressant, Camille. Tout à fait. Et encore une fois, depuis le dernier numéro, on a sa cote en étoile avec la couverture en bas de la 4 sur 5. Exact. Maintenant, Alexandra Carignan et sa lady bimensuelle, elle nous parle cette fois-ci de la... Et là, ça me touche plus que d'habitude, la première geek de l'histoire à Ada Lovelace. Ben oui. Elle nous dit, cette semaine, je sors de ma zone de confort pour vous présenter une femme qui a été pionnière dans le domaine de l'informatique. Lady Ada Lovelace. Vous aurez sûrement deviné que j'étudie en histoire et que par défaut, les mathématiques ne sont pas ma tasse de thé. Dit celle que sur sa photo du campus boit une petite tasse de thé. Exact. Maintenant que ma confession est faite et que mon ignorance envers les maths est dévoilée, vous aurez compris que je m'aventure dans un sujet qui a pour moi de multiples secrets. C'est intéressant, je pense que sa mère était informaticienne. C'est au début des années 1800. C'était super intéressant, justement, Mathieu. Tu devrais lire ça en tant que geek. C'est sûr qu'en tant que geek, ça me touche. On sort par-dessus plein de trucs d'impro, la lime et la huître. Lisez ça dans le journal en page 18 et 19. C'est toujours bien le fun. On passe à Cinéma d'aujourd'hui, à la chronique Cinéma de Louis-Étienne Villeneuve qui nous parle cette semaine de Maps to the Stars, ainsi que Ceci n'est pas un polar, et aussi la liste des films au tapis rouge. Voilà. Fermeture de la boutique Abikiri, c'est l'écho d'un grand éclat de rire. C'est le plus grand costumier en Mauricie. Il y a des costumes là-dedans, Mathieu. Là, c'est une caverne d'Ali Baba. Mais on fait un petit retour sur la fermeture de ce magasin. Et c'est pas nécessairement une fin triste parce que c'est parce qu'elle a d'autres projets qui fonctionnent super bien. C'est juste qu'elle a pas trouvé de relève pour reprendre. Donc, pour la boutique. C'est ça. Tout est liquidé. Si vous avez envie d'avoir des costumes, je sais qu'il y en a même dans les journalistes qui sont allés pour la première fois vu qu'on en parlait, puis ils ont capoté. Cool. Les costumiers, hein, c'est on a entendu Radio-Canada aussi qui enlevait le poste de costumier. Oui. Alors, ça pogne pas les costumes. Ça marche pas, faut croire. Galerie R3, vernissage de l'artiste Peter Nass, quand le visible côtoie l'invisible. Oui, mais c'est en ce moment à la Galerie R3 de l'UQTR qui est juste annexée au pavillon Benjamin Sult, qui est le pavillon des arts. C'est vraiment intéressant à aller voir. Je t'en ai parlé un peu, Mathieu. C'est, dans le fond, c'est comme des sculptures que si tu te déplaces, ça change complètement. Il faut que tu sois à un point précis pour que tout s'aligne ensemble et que là, tu vois ce que l'artiste voulait te montrer. Mm-hmm. Un peu comme dans un vidéoclip récent de OK Go, Writings on the Wall, si vous avez vu passer ça, où vraiment, ça dépend de l'angle de vision. C'est vraiment très, très cool comme concept. Je vous conseille d'aller voir ça. C'est sûr que j'aurais envie d'aller moi, faire un petit tour à la Galerie R3. C'est à distance de marche de l'UQTR, dans le sens de une cinquantaine de pas, puis c'est fait. C'est fait. Ben, c'est à l'UQTR, en fait. C'est à l'UQTR. De où on est situé maintenant. Oui, oui. Ensuite, le pavillon des Rébeaux-Chemin. La section loisirs, avec comme toujours, à la confesse qui veut, l'illustration d'Alexandre Laramis Wiki. Cette semaine, derrière le rideau, c'est le Montréalais moyen imaginé par le gouvernement fédéral. Oui, mais c'est un petit clin d'œil au pont Champlain qui voulait ou qui veulent peut-être changer pour le pont Maurice-Richard. Donc, Et finalement, en sport, bilan de soccer féminin et masculin, c'est le bilan de la fin de la saison. Oui, c'est ça, la saison qui se termine. Donc, Marie-Philippe Bibeau qui nous fait un petit bilan de la saison de soccer. Le hockey, ça va toujours bien pour les Patriotes. C'est ça, ils ont perdu aucun match depuis janvier 2013 à domicile. Wow, félicitations. Ça, c'est, ça va bien. C'est très bon quand, pour quand eux. Quand tu joues à Trois-Rivières. Ouais. On parle de plein d'autres sports de hockey, trucs comme ça, mais aussi le championnat de cross-country de la SIC 2014. Oui, on a beaucoup parlé de Stéphane Saint-Martin en cross-country cette année dans le Zone Campus. Mais ce petit Stéphane Saint-Martin, il s'est encore démarqué là, dans le championnat de cross-country. Il a terminé au 20e rang championnat de cross-country de sport interuniversitaire canadien. Donc, il est 20e meilleur au Canada. Félicitations. Il y a plein de natation et de cross au champ et on termine avec le volleyball début de saison pour l'équipe féminine. Oui, qui commence le 14 novembre prochain. La cross au champ aussi, la saison est terminée. Donc, on peut lire un petit bilan qui est somme toute positif. Tout à fait. Ben, c'est merveilleux tout ça. C'est le Zone Campus. Il sort là. Aujourd'hui même, là, allez le lire. Puis moi, je me suis fait dire que ce numéro-là allait sûrement partir beaucoup parce que les constats d'infraction, ça concerne beaucoup d'étudiants. On en a tellement pogné d'étiquettes que... Tout à fait. Donc, procurez-vous ce journal Zone Campus, volume 10, numéro 6, qui va être en kiosque du 11 au 24 novembre 2014, partout sur le campus du QTR, dans plusieurs commerces à Trois-Rivières, et plus tard sur le blog... Pardon. Désolé, sur zonecampus.ca. Tout à fait. Et comme si on ne l'avait pas assez dit, à 11h ce matin, il y a une assemblée générale de l'Association générale des étudiants de l'UQTR. Donc, allez-y, c'est là, là, c'est le temps. Là. Si on ne comprend pas comment ça marche, la GE, puis les décisions, puis le code Morin, go, c'est tantôt, à 11h. Amenez-vous un lunch parce que c'est long d'habitude. Oui, ça pourrait être long. Comme on dit, go ou encore OK, go, hein? On va se quitter dans quelques instants avec la pièce que j'ai mentionnée, The Writings on the Wall. Oui, j'ai envie de l'écouter. Ça va être super bon. Mais avant ça, on doit se dire au revoir pour une autre édition d'Assemblage requis en ce mardi matin. Oh, c'est triste. Oui. Mais ce soir, je fais ma plug pendant que je suis là. Quoi? Il y a la Ligue d'improvisation mauricienne qui joue. Ben, c'est à 20h à la Maison de la Culture. C'est ça. C'est les Rouges contre les Pêches. C'est ça. Ce soir, avec c'est entre autres Alexandre. C'est 5 pour les étudiants. Alexandre Aramis-Wiki, qui a déjà fait de la radio aussi. Hein, qui est dans le journal, qui est illustrateur dans le Zone Campus. Tout à fait. Allez voir ça. C'est à la Maison de la Culture, à la salle Louis-Philippe Poisson, ce soir, à 20h. Soyez-y. Donc, nous, on se quitte. On se retrouve demain, entre 6h30 et 9h30, pour une autre édition d'Assemblage requis. Dans quelques instants, en ce mardi, on aura la sécheuse. Ensuite, le dîner de con avec Danny Janvier à 11h. Le Mathieu Planchon avec Mathieu Plante, ça, c'est moi, à 13h. À 15h, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre. En rappel, 19h, réanimation. 21h, progression chaotique. C'est fou.ca pour le site web, la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. On remercie Sébastien F. Gertin, Myriam Lortie, merci à toi. Stéphanie Paradis va être de retour demain. On se quitte avec OK Go, Writings on the Wall. À demain. Ciao! Merci. Si vous avez des idées de sujets pour le Zone Campus, n'hésitez pas. Ah oui, écrivez au zonecampus.ca. Vous faites des intrépides de, vous, de vous-même, comme Mathieu et moi. Besoin d'aide, c'est un souci? Je me rappelle plus. Besoin d'aide, amis, un souci, les intrépides sont là. Bye, à demain.